Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. Et si on parlait véhicule d'occasion ? Désolée, j'ai dû chercher une place pour garer ma Clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète. J'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. 3 heures ! À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma Clio d'occasion ? Ouais, tu m'as dit, ouais. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fiers de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Allez, on jette un œil sur la météo de votre dimanche sur RMC avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour François et bonjour à tous. Alors, lente amélioration. En Île-de-France d'ailleurs, il bruine un petit peu. Hein. C'est une amélioration très lente. C'est cet après-midi surtout. C'est cet après-midi, ça ira mieux. Mais oui, ça va se lever. D'accord. Un petit peu partout. C'est pareil, Auvergne, Rhône-Alpes, sur la Franche-Comté. On a beaucoup de nuages ce matin avec quelques averses. Ça va s'améliorer, c'est lent. On a une perturbation qui arrive en Bretagne tant qu'on y est avec les mauvaises nouvelles qui va traverser le pays d'ouest en est. Alors surtout sur la moitié nord, entre lundi et mardi, nous aurons pas mal de nuages et de pluie. Mais à partir de mercredi, l'été s'installe. Nous prévoyons d'avoir 35 degrés jusqu'à 35 dans le sud et 30 à Paris pour cette semaine, en fin de semaine. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, c'est poussif. Hein. 27 quand même à Montpellier, c'est pas mal, c'est ça augmente. Pas mal, ouais. 21 à Paris, voilà. C'est bien. Voilà, c'est on bien. S'arrête là. Et on se retrouve dans 30 minutes, Christine, à tout à l'heure. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC avec dès 14h Formule 1, départ du Grand Prix d'Europe, 15h l'arrivée des 24h du Mans et à 21h intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi de Suisse-France et de Roumanie-Albanie. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC, il est 8h01. Toute l'actualité, Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. L'enjeu, s'offrir un huitième de finale plutôt abordable. Les Bleus du foot ce soir face à la Suisse, dernier match de poule et une première place du groupe à assurer. Un scrutin dans son propre camp. François Hollande n'y était pas vraiment favorable. Il devra pourtant s'y soumettre. Principe d'une primaire validée par le Parti Socialiste hier. Et puis l'émotion ne retombe pas à Magnanville. Marche en mémoire des deux policiers assassinés en début de semaine. Rassemblement à l'initiative des musulmans aujourd'hui. Il est 8h01. Sur RMC, bonjour à tous. RMC, UEFA Euro 2016. Alors vont-ils nous faire souffrir jusqu'à la dernière minute ce soir ? L'équipe de France de football en termine avec le premier tour de l'Euro de football. Et ce sera face à la Suisse, 21h, objectif, première place du groupe, Jérôme Sillon. Oui, un match nul suffira aux Bleus pour terminer à la première place, qui offre un avantage, celui d'affronter des adversaires plus abordables comme l'Irlande du Nord en huitième de finale ou la Hongrie en quart de finale. Au contraire, si les hommes de Didier Deschamps perdent contre la Suisse et finissent deuxième de leur poule, ils pourraient retrouver la Pologne et l'Espagne sur leur route. On prendra ce qu'on mérite. Le match, je vous le dis clairement, on va pas le jouer pour calculer ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est de garder cette première place. Pour le capitaine Hugo Lloris, avant de penser au pédigré des futurs adversaires, les Bleus ont des choses à prouver. Comme je l'ai dit, lorsqu'on a un statut à défendre, on est le favori de ce groupe. Il faut répondre aux attentes. Mais lorsqu'on est compétiteur, ce qui nous importe, c'est la première place. Pour parer à toute éventualité, entretenir la dynamique et engranger de la confiance, rien ne serait mieux pour les Bleus qu'une 7e victoire consécutive en 2016. Alors la compo ce soir, qui sur la pelouse ? Pogba et Griezmann, certainement quelques changements, l'attaque au milieu également. Il faut faire tourner, c'est l'avis de Jérôme Rotten. Le fait de faire tourner, c'est aussi de récompenser l'état d'esprit. Il n'y a que comme ça, jusqu'au bout, que l'équipe de France peut rêver à gagner l'Euro. Il faut continuer avec cette ambiance dans le groupe, au sein du groupe, cette union sacrée. Et il n'y a que en donnant la possibilité à ces joueurs-là, qui n'ont pas beaucoup joué, de jouer contre la Suisse, d'être dans cette continuité d'une formidable ambiance. Alors à Lille ce soir, l'ambiance, elle sera bleue. Et puis direction un petit village ce matin, celui de Saint-Gingolf, village un peu particulier, parce qu'il est coupé en deux par la frontière entre la Suisse et la France. Lors du mondial, il y a 2 ans, les Bleus avaient gagné 5-2 face à la Suisse et le maire côté français du village, Géraldine Pfliger, s'en souvient bien. On sent un esprit de revanche pointé côté suisse. C'est vrai que ça serait terrible pour la Suisse que ce soit le même score qui se renouvelle. Bon, tant mieux pour la France. Oui, là, ça se chambre et ça se charrie bien. On sent pointer vraiment la tension, là. Et puis, il faut mieux qu'on fasse pas trop nos Français, être pas trop arrogants non plus, parce que si on se prend une dérouillée, on aura quand même du mal à s'en remettre aussi. Notre fierté, on pourra bien la ranger dans notre poche. Donc, on va essayer de pronostiquer un match nul, parce que si il y a à nouveau 5-2, je peux plus passer la frontière. Voilà les résultats d'hier maintenant. C'est d'abord le Portugal qui a une nouvelle fois déçu, 0-0 face à l'Autriche. À l'inverse, les Belges ont relevé la tête, victoire 3-0 face à l'Irlande. Le sélectionneur Marc Wilmot s'en profite pour régler quelques comptes. Vous savez, les critiques, quand vous avez 4 ans de succès et vous perdez un match, c'est comme si vous n'avez rien fait pendant 4 ans. C'est la manipulation, je pense, de mettre le peuple sur de fausses idées. À partir de là, les critiques, c'est moi, je vis avec, j'ai 47 ans. Moi, je veux la santé, je fais du plaisir dans mon métier. J'essaye de mettre des gamins sur la bonne voie. J'essaye que le pays soit fier de nous. Et ça, c'est ce qui m'importe le plus. Enfin, dernier match, dernier résultat hier, le match nul un partout entre l'Islande et la Hongrie. Il est 8h04 sur RMC. Il y aura donc bien au moins 2 primaires en vue de la présidentielle l'an prochain. À droite, la campagne est déjà bien lancée. À gauche, le principe a été validé hier par le Parti Socialiste. Scrutin les 22 et 29 janvier 2017 avec des candidats de gauche, mais seulement de gauche gouvernementale, ce qui replace François Hollande au centre du jeu, Marie Monnier. Effectivement, c'est d'ailleurs ce que souhaite son entourage. Un François Hollande inébranlable, droit dans ses bottes, prêt à s'expliquer face aux Français et retrouver sa légitimité aussi chez ses sympathisants. D'ailleurs, le timing est parfait. Fin janvier, le temps que la croissance progresse, que le nombre de chômeurs baisse. François Hollande, un candidat pas comme les autres, forcément. Alors qui pour lui faire face? Arnaud Montebourg, il s'y prépare, nous disait l'un de ses fidèles. Macron ou encore Benoît Hamon, aucun ne s'est déclaré pour l'instant. Par ailleurs, les frondeurs maintiennent la pression sur la tenue de cette primaire. Toutes les conditions doivent être réunies pour que la compétition soit loyale, préviennent-ils. Plus de 10 000 bureaux de vote, plusieurs débats télévisés, entre autres, sans quoi pas question de participer au débat. Dans le JDD ce matin, Manuel Valls valide le principe. Longue interview du Premier ministre où il évoque aussi la loi travail. Elle ne sera pas retirée, elle ne sera pas réécrite, rappelle Manuel Valls qui appelle les syndicats à annuler les rassemblements face au risque de violence. Mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes, les deux proches de Larossi, Abala, écroués tard hier soir. Dernier élément de l'enquête sur le meurtre du couple de policiers dans les Yvelines lundi dernier. L'émotion, elle, ne retombe toujours pas sur place. Marche organisée hier à Mantes-la-Ville où travaillaient les deux victimes. Cortège très ému dans lequel se trouvait Patrice Juveau, policier très touché. J'ai fait la marche du commissariat jusqu'au domicile de nos collègues. Aujourd'hui, je suis là en tant que citoyen. De voir tous ces gens réunis, ça prouve que les gens se mobilisent et qu'ils aiment quand même leur police. On est aussi là pour les défendre, avant tout. Et on espère que les choses bougeront, parce que ça peut plus durer. Et des crimes comme ça, c'est pas que des policiers, ça peut être n'importe qui. Ça touche énormément. Dans la façon dont ça s'est fait, c'est dur, c'est vraiment un drame qui ne devrait pas exister. Un témoignage recueilli par Léa Zachary. La menace terroriste est en Belgique. 3 hommes inculpés hier soir, 3 hommes parmi une dizaine interpellés hier dans une vaste opération menée essentiellement dans la région de Bruxelles. Les perquisitions n'ont pas permis de mettre la main sur des armes ou des explosifs. La colère d'un malade ce matin qui reproche à la médecine de ne pas croire à ses souffrances. Cette colère, c'est celle de Mathias Lacoste. Ce père de famille a entamé hier une grève de la faim. Il est atteint de la maladie de Lyme, qui se transmet par les piqûres de tiques, maladie qui n'est pas reconnue comme chronique. Résultat, Mathias va perdre ses indemnités de congé maladie. Malade ou non, il doit retourner au travail lundi. Pourtant, Violette Voldoir, il explique clairement ses souffrances. Depuis 10 ans, les symptômes de Mathias Lacoste empirent de jour en jour. J'ai des fourmillements, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des maux de tête. Il m'arrive d'avoir de la fièvre. Aujourd'hui, il prend des traitements lourds, une 60aine de cachets par jour, mais il a décidé de tout arrêter tant que la ministre de la Santé ne l'entendra pas. Et j'attends qu'elle me donne le droit de guérir. Ça passe par le prolongement de mes indemnités pour continuer à me soigner. Et il est bien décidé à aller jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Je reçois des centaines de témoignages de gens qui sont dans la même situation que moi. Il faut que les choses changent. Pour lui, le problème, c'est qu'en France, médecins et sécurité sociale connaissent trop mal cette maladie et considèrent qu'on en guérit seulement en 3 semaines. Sauf que, explique Roger Langlais, journaliste d'investigation et auteur d'une enquête sur le sujet, il existe des formes chroniques de la maladie. Il reflète bien le drame de milliers de victimes en France qui ne sont pas reconnues. Beaucoup ont erré de médecin en médecin, comme ça a été son cas, et donc des drames en permanence. Tout comme Mathias Lacoste, il demande à ce que les pouvoirs publics changent leur prise en charge de ces patients. Le reportage de Violette Voldoir, 8h08 sur RMC. Le direct sport ce matin, c'est dans la Sarthe. Les 24 heures du Mans, nous sommes en direct sur place donc avec Julien Morin. Julien, Toyota semble bien parti pour une première. Ouais, l'objectif pour Toyota au début de ces 24 heures du Mans, c'était de revenir à la lutte avec les Porsche et les Audi après une édition 2015 en retrait. Émission déjà plus que remplie pour Toyota qui place actuellement ses voitures aux deux premières places du classement général avec 5 secondes d'avance sur la Porsche numéro 2. La bataille continue donc entre les voitures de ce trio de tête et peut-être dans un peu moins de 7 heures de course, 6h51 précisément, le premier sacre de Toyota sur cette mythique course des 24 heures du Mans, histoire de rompre la malédiction de la seconde place que l'écurie japonaise a déjà atteint à 4 reprises ici. Julien Morin en direct du circuit des 24 heures du Mans pour RMC. Et puis le rugby, Toulon-Montpellier, voilà l'affiche de la finale du top 14 cette saison. Toulon dernier qualifié, ils ont battu Montpellier hier soir 27-18. La finale, ce sera donc vendredi prochain. La finale, c'est bien Toulon face au Racing. Et la finale, c'est vendredi prochain dans le mythique Camp Nou de Barcelone. 8h09 sur RMC. Les courses pour terminer, François Sorel. Tiers écarté, quinté plus cet après-midi à Chantilly, c'est le prix de Diane, Thomas. Sébastien Darras nous conseille de retenir le 10, la Cressonnière et le 9, Armande. Brahim Asloum aime beaucoup le 3, l'As, Swiss Range. Et Laurent Guédard, lui, nous conseille le 8, Volta. Et le 13, The Juliette Rose. Le 10, le 9, l'As, le 8 et le 13. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Il est 8h10 et dans un instant, c'est le week-end des experts automobiles avec Jean-Luc Moreau. Au menu, vos questions auto 32-16. Les tant attendus de la Tesla X. Comment débosseler une voiture très facilement. Et puis, en deuxième partie, on évoquera cette surveillance peut-être totale des automobilistes. Dans un instant, avec Jean-Luc à mes côtés. À tout de suite. RMC. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute, la qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno. Son système multimédia Airlink avec écran tactile, sa caméra de recul, voilà un excellent mix d'équipements. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 euros sous condition de reprise. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Le week-end des experts sur RMC. Et vous avez rayé ma bagnole ! Oh, la petite rayure, là ! Votre auto. Elle y était déjà avant. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Oh, le menteur ! Il est 8h12, c'est RMC. Le week-end des experts se poursuit. Bon dimanche, merci d'être là. Jean-Luc Moreau, bonjour. Bonjour monsieur François et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Bon alors Jean-Luc, vous avez testé... Bonne fête à tous les papas, tiens, pendant qu'on y pense. Ah bah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, un gros bisou à tous les papas et en l'occurrence au nôtre. Voilà. Jean-Luc, oui. Vous avez testé la voiture qui me fait rêver. J'ai eu le privilège de tester... la voiture qui vous fait rêver, parce qu'on était très très peu nombreux, vous savez, c'est ce qu'on appelle des journalistes triés sur le volet. Sur le volet. Voilà. Vous êtes donc un journaliste trié sur le volet. Exactement. Eh bien dites-moi. Ouais, ça vous surprend. Donc cette voiture, c'est la Tesla X. La Tesla X, c'est quoi ? Eh bien c'est la version SUV de la fameuse voiture électrique de Tesla. Alors je vous dis juste un mot ahurissant et puis vous en saurez plus tout à l'heure. Voilà, malgré tout, il y a quelques petits défauts que Jean-Luc nous détaillera tout à l'heure. Le bon plan auto, le débosselage sans peinture pour réparer les dégâts de la grêle. Eh oui, malheureusement, en ce moment, c'est un peu la mode. Ah oui. C'est un peu la saison de la grêle et ça fait un petit moment que ça dure. Hein. Un peu ça trop fait... même, je ouais, pense. Ouais, ouais. Alors il y a des moyens aujourd'hui relativement répandus. Ça se développe de débosseler une voiture sans avoir besoin de passer par la case mastic peinture qui prend beaucoup de temps et qui exactement. Est beaucoup plus cher. Ces petits systèmes de ventouse, c'est ça? Ah ouais, non, je vous expliquerai tout à l'heure comment ça marche. D'ailleurs, j'essaierai avec votre voiture. On ira dans le parking à la fin de l'émission. Si je la débosse dessus et je vous expliquerai comment on fait pour non, le mais débosse. Vous savez quoi? J'ai une le petite bosse sur la portière. Voilà, est-ce mais que une petite ça peut, bosse. Ça oui, peut bien sûr. Par contre, faut faire appel à des vrais spécialistes formés. Bien évidemment. Et puis, j'imagine que c'est moins cher. Alors, par contre, le bosselage. Sans peinture, ça c'est beaucoup moins cher. Ah oui? Ouais, je vous expliquerai aussi comment ça marche. Et puis en deuxième partie, Jean-Luc, que se passe-t-il? Est-ce qu'on va vers une surveillance totale des automobilistes? Ouais. Il y a un truc qui est totalement passé inaperçu dans le climat social un petit peu agité en ce moment. Il y a une loi qu'on nous prépare. Ça s'appelle la modernisation de la loi sur la justice du 21e siècle qui prévoit quelques articles qui vont restreindre de façon drastique certaines libertés des automobilistes. Vous voulez un ou deux exemples? Bon, par exemple. Rapidement. Ouais, ceux qui roulent avec une voiture de société. L'impunité au niveau des points. Terminé. C'est fini. Il faudra une dénonciation du conducteur, faute de quoi le propriétaire, donc la société, devra payer une amende de 750 euros. Donc suffisamment dissuasif pour qu'on puisse dénoncer. Oui, parce que c'était peut-être, un vide à ce niveau-là. C'est-à-dire que les personnes qui roulaient en véhicule de société payaient l'amende, mais n'avaient pas de retrait de points. Payaient pas toujours l'amende. Il y a beaucoup de patrons d'entreprise qui payent l'amende pour les Jean-Luc, pour leurs employés. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Et puis en deuxième partie, on fêtera à notre manière la fête des pères avec... Je vais exaucer. Des produits luxe. Ouais, exactement. Non, mais vous, je sais que vous rêvez de cuir souvent. Non. C'est pas ça? Non. Non, mais écoutez, alors, il y a une PME française qui s'appelle Paraf, qui fait des intérieurs cuir. Alors, le plus surprenant, mais on verra ça tout à l'heure avec la patronne de l'entreprise, c'est que on est très loin des prix qu'on peut imaginer. D'accord. Pour ce genre de prestations. C'est-à-dire qu'on va transformer son véhicule en véhicule tout cuir. Allez, je vous donne un exemple. Votre Renault Captur, vous pouvez le transformer en voiture de luxe pour 990 euros. On en parle tout à l'heure. Et d'ici là, bienvenue dans ce rendez-vous auto. On accueille vos questions, qu'on attend d'ailleurs au 3216 ou auto@rmc.fr. On accueille Christian. Bonjour Christian. Bonjour monsieur. Bonjour Christian. Bonjour monsieur Christian. Bonjour. Vous pouvez nous appeler Jean-Luc et François, ça ira. Hein. Oui, Jean-Luc et François. Voilà. Voilà. Alors on vous écoute. Bon, eh bien moi je vous appelle là pour ça serait pour on envisage de changer de voiture, acheter une deuxième voiture pour ma femme là. Ça serait une Citadine essence. Oui. De toute façon, je vais vous dire quelque chose, Christian. Vous voudriez une Citadine diesel, il n'y en a plus. Alors comme ça, c'est plié, vous voyez. Hein. D'accord. Et puis tant qu'à faire, qu'elle soit fiable, quoi, avec. Le minimum d'électronique, quoi. Alors ça, par contre, le minimum d'électronique, ça, à part vous vendre une 2 chevaux, ça va pas être possible. Non, aujourd'hui, il y a fatalement de l'électronique. Bon, il y a des modèles qui sont plus ou moins fiables, mais contrairement à une idée reçue, les voitures aujourd'hui sont de plus en plus fiables. Hein. On a plus de grosses pannes mécaniques comme on pouvait avoir autrefois. On peut avoir des soucis électroniques ou des soucis liés à des capteurs qui font fonctionner tout cet ordinateur qui est devenu l'automobile. Mais les voitures modernes sont fiables. Ça, c'est franchement une erreur de penser que les voitures sont moins fiables qu'autrefois. C'est le contraire. Elles sont plus fiables qu'auparavant. Alors, j'ai quelques questions. Alors, vu votre accent, vous n'êtes pas parisien, c'est clair. Vous êtes dans quelle région? Je suis dans la région lyonnaise, mais je suis originaire du Gard. D'accord. Non, mais ce qui compte, c'est que je voulais savoir quel type de parcours vous faites. Ce sont des parcours plutôt de la route que de l'autoroute. D'accord. Alors, plutôt de la route, une petite Citadine. Bon, dans la région de Lyon, ça monte, ça descend, donc vaut mieux un truc avec un petit peu de nerf, s'il faut doubler dans la montée. Quel budget vous avez? Entre 12 et 14. Oh ben, ça va. ça va, il y a du monde dans la... Il y a du monde. Ouais, ouais, non, mais aujourd'hui, l'offre en matière de véhicules citadins, de mini-citadines, c'est franchement étoffé. Il y a une dizaine d'années, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde. Aujourd'hui, il y a vraiment du choix. Alors, donc, vous avez visé dans une région. Alors, il y a des concessionnaires de toutes les marques. Je peux vous faire des propositions. Oui. Hein? Alors, moi, vous aimez le foot? Oui. Mais bien sûr qu'il aime le foot. Parce que Hyundai fait une série spéciale sur la i10. Alors, avec le moteur 87 chevaux, qui lui a vraiment du tonus, pour 13 500 €, qui est assez intéressante. Elle est bien équipée, j'imagine. Elle est bien équipée. C'est une très bonne voiture dans sa catégorie. Et faut profiter, en fait, de cette offre pendant l'euro. Donc c'est la première proposition que je peux vous faire. Après il y a des modèles français, hein. Il y a la Twingo qui est quand même dans la catégorie, qui reste quand même une icône. Alors plutôt avec le moteur 900 cm3 turbo, qui, si vous faites de la montée, vous m'auriez dit on fait que de la ville, je vous aurais conseillé le 70 chevaux atmosphérique qui était suffisant. Mais là, si vous faites un peu de montée, de descente, c'est le même prix, hein. On est à 13 500 €, mais elle sera moins bien équipée pour ce prix-là. Donc ma préférence irait plutôt à la Hyundai. Après, vous avez une petite Opel qui s'appelle la Karl. Alors je sais pas, est-ce que vous avez des choses à transporter ou est-ce que vous montez souvent à 5 dedans? Vous avez besoin de 5 portes, 3 portes, 12 portes? Non, avec un coffre, disons, si j'avais un coffre pas trop petit, quoi. Ah ouais, pas trop petit. Alors, plus la Hyundai, 252 litres. Eh bien voilà, allez. Ouais, 252 litres, c'est elle qui a le plus grand coffre dans sa catégorie. Donc, franchement, c'est bien. Et puis les Coréens qui font des progrès d'année en année. Non, hein. Puis elle est jolie. Elle est jolie. Et là, il y a une offre en ce moment qui est vraiment intéressante. Faut en profiter. Évidemment. 8h20, on revient dans un instant. C'est le week-end des experts, c'est l'automobile. Vos questions auto dès maintenant au 32-16. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. RMC. Après la deuxième victoire consécutive de Lewis Hamilton, ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 est à Bakou pour le Grand Prix d'Europe. Aujourd'hui, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Et si on parlait véhicule d'occasion? Oh, désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. C'est pas grave. J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines? Ça me fait penser. Je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion? Oui, tu m'as dit. Ah oui? Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015. Offre réservée aux particuliers pour 1 € de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Thomas Duval, Banque Courtois, bonjour. Bonjour, Sophie Dumas. Mon projet de magasin bio avance bien. Aujourd'hui, un magasin, mais demain, qui sait, toute une chaîne. Et bientôt une franchise. Oui, une franchise internationale. Oh oui. Revenons à votre projet. Je finalise votre dossier de prêt et prends rendez-vous avec notre spécialiste en crédit bail. À chaque étape de votre projet d'entreprise, de la création à sa transmission, les conseillers et spécialistes de la Banque Courtois vous accompagnent et anticipent vos besoins futurs. Banque Courtois, une banque du groupe Crédit du Nord. Banque Courtois, plus loin avec vous. Bonjour, vous êtes bien chez les artisans Michel et Fils. Nous sommes actuellement en train de repeindre la tour Eiffel. Merci de nous laisser un message. Tout devient possible quand on travaille avec Nouveau Citroën Jumpy. Pendant les jours pro du 16 au 25 juin, venez vite essayer Nouveau Citroën Jumpy avec 3 longueurs, porte coulissante main libre et 1m90 de hauteur à partir de 169 € par mois. Citroën. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 4 760 €, offre jusqu'au 31 août non cumulable hors taxes, réservé aux professionnels, équipement selon version, détails sur citroencastorpro.fr. RMC jusqu'à 10h, votre auto. Votre auto. Jean-Luc Moreau, François Sorel. Voilà, 8h21, le retour du week-end des experts et c'est l'auto, bien sûr, avec Jean-Luc Moreau qui m'accompagne. La météo, les infos dans quelques minutes. Mais d'ici là, on enchaîne avec Patrick qui nous attend au 32-16. Bonjour Patrick. Bonjour François et bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et bonjour Patrick. Bon, j'aurais, si vous le permettez, deux questions. Ouh, c'est beaucoup plus cher, deux questions. Oui, je sais en fait, bien, on fait des forfaits, là. Une question 500 €, deux questions 2 000 €. C'est le forfait euro. En plus, en prime, une réflexion sur l'écotaxe pour Jean-Luc. Oui, une troisième. Attendez. Alors, il faut aller booster. Alors, on commence par les deux questions, Patrick. Première question. Justement, ça va booster un petit peu, oui. Donc, j'aurai deux questions. Une sur le choix d'un véhicule et l'autre sur le moteur d'un de ces véhicules. D'accord. Alors, allez-y. En fait, cela fait déjà plusieurs semaines que je dis faire mon achat. de ce véhicule, parce que je ne pouvais pas concevoir cet achat donc sans les conseils avisés et pertinents de Jean-Luc. Merci tonton. Posez votre question, Patrick, s'il vous plaît. Oui. Au départ, mon achat est s'orientait donc vers le Qashqai DIG 115 Connecta et la Ford Kuga 1,5 litre EcoBoost 120 chevaux titanium. D'accord. Bon, à ce jour, donc, j'ai plutôt opté pour le Kuga. C'est plutôt mon épouse qui est, voilà, question confort. Elle préfère celui-là. Qu'en pensez-vous déjà d'une part? Mais si je prends ce véhicule, que pensez-vous en termes de fiabilité et de consommation du Kuga 120 chevaux 4 cylindres qui, a priori, n'est pas sorti? J'ai pas pu l'essayer. J'ai essayé. Alors, c'est très, si, il est sorti, mais c'est très récent. C'est vrai que c'est une offre. Parce que normalement, le Kuga, avec ce moteur 1,5 litre EcoBoost, était disponible en version 150 chevaux et Ford a décidé de proposer une version un peu plus accessible en tarif qui ne fait que 120 chevaux. Mais c'est pas tant la puissance qui compte sur ces véhicules-là. C'est des voitures relativement lourdes, hein. Le Kuga, il fait plus d'une tonne 5. Ce qui compte, c'est d'avoir du couple. Parce que c'est ça qui vous servira au moment où on réaccélère. Et ce moteur-là, bon, il est, par chance, il a quand même un couple assez important. Alors c'est du chinois là, donc tous ceux qui comprennent pas le chinois, je parle souvent d'ailleurs de newton mètre, 240 newton mètre à 1600 tours minute. Vous m'avez dit, j'ai hésité avec le Qashqai, il est mieux que le Qashqai parce qu'il n'a que 190 newton mètre à 2000 tours minute. Vous voyez, le 240 à 1600, c'est mieux que 190 à 2000. Ça permet de reprendre mieux, même si le Kuga est un peu plus lourd que le Qashqai. Donc, de ce côté-là, alors par contre, ce que je vous conseillerais, c'est avec ce genre de véhicule qui peut être relativement sobre, avec un usage raisonnable, c'est-à-dire vous pouvez avoir des consommations qui sont aux alentours de 7 litres, si vraiment vous ne tapez pas dans le moteur. En revanche, si vous avez le pied un peu lourd, on a vite des consommations qui grimpent en flèche. Hein. Ça veut dire que si vous avez tendance à accélérer un peu trop, vous pourrez être à 9 litres avec cette voiture. Je ne m'appelle pas Jean-Luc, je suis Patrick, donc le pied il est moins lourd que celui de Jean-Luc. Mais vous savez quoi, j'ai pas le pied lourd du tout. Hein. Non, d'ailleurs, Jean-Luc a le pied léger, je pourrais vous l'assurer. Non, c'est vrai. En général, quand je fais vous savez, des challenges consommation, systématiquement, je gagne. C'est sûr. Donc, et c'est pas moi qui roule le moins vite, pourtant. Donc, comme quoi, on peut rouler. Oui, d'ailleurs, les radars vous le disent souvent. Oui, moins vite. J'ai plein de photos souvenirs qui m'arrivent à la maison. Alors, donc, le Kuga, donc, déjà, de ce côté-là. Motorisation bonne. Oui, on peut y aller. Oui. D'accord. Oui. J'imagine, vous avez pris essence parce que vous faites pas beaucoup de kilomètres dans l'année. Tout à fait, justement, la question subsidiaire, ou plutôt la réflexion que j'apporterai de suite après, ça va dans ce sens-là, justement. Alors, allez-y, apportez votre réflexion, Patrick. Bon, alors, Jean-Luc, là, vous conseillez souvent, à juste titre d'ailleurs, d'acheter des moteurs essence si on ne fait pas beaucoup de kilométrage, mais comment se fait-il que ce véhicule soit pénalisé par une écotaxe de 500 euros pour les 143 grammes de CO2. Mais oui, le problème, c'est que les moteurs essence émettent consomment un peu plus que les moteurs diesel. C'est l'avantage du diesel. Donc, vu que les moteurs diesel consomment moins, ils ont des émissions de CO2 plus basses. Et logiquement, ils ont des malus qui sont moins importants que ceux des modèles essence. Voilà, c'est le talon d'Achille des modèles essence. Il est là. Mais les moteurs essence font des gros progrès, ils ont fait des gros progrès ces dernières années, ils vont continuer à en faire, ils vont continuer à en faire d'autant plus que le diesel a pas forcément bonne presse en ce moment. En plus, j'ai un beau petit scandale nouveau scandale Volkswagen à dévoiler, je vais pas vous en parler aujourd'hui. Non. Je garde le suspense, mais le scandale Volkswagen à côté, c'était de la rigolade. D'accord. Donc, Écoutez, alors franchement, ça sera dans un prochain épisode. Exactement. Le Dallas du CO2. Ouais, on se fait une petite pause et on prend la question écotaxe qui m'intéresse de Patrick après la pause. Allez, maintenant. Mais écoutez, non, on va faire la pause tranquillement, météo info et on revient, hein. Bah, et on va parler d'écotaxe. Et puis je vous rappelle que dans quelques minutes, l'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Tesla Model X que Jean-Luc a testé pratiquement en exclusivité. À tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. Salut vieille branche, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Ça va mieux. Et oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelets Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelets.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Quand les plus grands joueurs européens Rencontre la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, la chasse au trésor est ouverte. Mike et Robert dénichent des objets de valeur dans des bâtisses abandonnées. Vieux moulins, hôtels de luxe, fermes désertées, chaque chantier de démolition est une occasion de faire des trouvailles incroyables. Mais attention, ils n'ont que quelques minutes avant la destruction du bâtiment. Trésor à l'abandon, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel. Votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert avec son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modiwork et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 euros par mois. Garantie, assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 euros. Détails sur PeugeotWebStorePro.com. Allez, un coup d'œil sur les prévisions météo avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour François et bonjour à tous. Alors, les éclaircies, elles se développent. Elles ont du mal à percer. Ouais. Mais je vous jure, cet après-midi, vous penserez à moi quand vous verrez le soleil, François. Mais je pense au-dessus à vous tout Paris, le temps. J'ai pas besoin d'avoir de soleil. La Picardie, la Normandie, la région centre, le Poitou-Charente, vous aurez des éclaircies. Dans le sud-ouest, le ciel sera tout bleu cet après-midi. Ce matin, mais le sud-est est tout bleu. C'est sud-ouest, un pléonasme. Sud-ouest. Ah, sud-ouest, pardon. Attention. Alors, le sud-est, effectivement également tout bleu, mais on a la tramontane qui souffle. D'accord. Voilà, et le Mistral aussi à 90 km/h. Du coup, il chasse les nuages. Sur les Alpes-Maritimes, des orages vont se développer ainsi qu'en Corse. Et puis, un peu plus de nuages en Auvergne, en Franche-Comté et en Vallée du Rhône avec là un risque d'averse un peu plus marqué. Les températures, elles sont très basses pour la saison. Nous aurons pas plus de 21 du côté de Bordeaux, Toulouse ou encore Lyon. Paris également 21 degrés, 20 à Lille, à Dijon, 18 à Brest, au Havre, à Mulhouse et à Tarbes. On est de 3 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC 8h30. Un point sur l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. 21h ce soir, stade Pierre-Mauroy à Lille. Dernier rendez-vous des Bleus avec les matchs de poule de l'Euro. Une première place du groupe en jeu, ce sera face à la Suisse. Pogba et Griezmann devraient être titulaires. Les résultats d'hier, c'est d'abord la belle perf belge, victoire 3-0 sur l'Irlande. À l'inverse, le Portugal est à la peine 0-0 face à l'Autriche. Enfin, l'Islande et Hongrie ont fait match nul un partout. Nouvelle marche du souvenir. Aujourd'hui, dimanche, dans les Yvelines, marche à l'initiative de la communauté musulmane de Mantes-la-Ville, là où travaillait le couple de policiers assassinés par le terroriste Larossi Abalan début de semaine. Hier soir, deux de ses proches ont été mis en examen. La menace terroriste en Belgique, trois hommes inculpés hier soir, trois hommes parmi une dizaine interpellés hier dans une vaste opération menée essentiellement dans la région de Bruxelles. Les perquisitions n'ont pas permis de mettre la main sur des armes ou des explosifs. À l'étranger, c'est le premier sondage après le meurtre de la députée Jo Cox au Royaume-Uni. Un sondage à 5 jours du référendum sur la sortie ou non de l'Europe et ce sont les partisans du maintien qui prennent la tête avec 45% des suffrages contre 42% du vote favorable au Brexit. Autre scrutin, ce sera début 2017. La primaire socialiste, le PS a validé l'idée hier. François Hollande devra donc passer par une primaire s'il envisage un deuxième mandat. Processus soutenu ce matin par Manuel Valls, longue interview du Premier ministre dans le JDD, où il évoque également la loi travail. Elle ne sera pas retirée, elle ne sera pas réécrite, rappelle Manuel Valls, qui appelle les syndicats à annuler les rassemblements face au risque de violence. 8h31 sur RMC. Vous êtes avec Jean-Luc Moreau et François Sorel. Messieurs, votre auto. Merci beaucoup Thomas et vous revenez à 9h bien sûr pour un point complet sur l'actu. D'ici là, plein de bonnes choses dans ce rendez-vous auto. Vos questions au 3216 et puis l'essai de la semaine, c'est la Tesla Model X. Vous savez, le véhicule électrique qui arrive tout droit de la Silicon Valley. Jean-Luc a testé, va nous dire ce qu'il en pense. A tout de suite bien évidemment. RMC, le week-end des experts. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Et encore une fois, une bonne fête à tous les papas qui nous écoutent. Voilà, alors fais un gros bisou. Mais oui, gros bisou à mon papa aussi. Eh bien, gros bisou à mon papa aussi. Voilà, comme ça c'est fait. Jean-Luc, justement, on fera plaisir au papa qui aime le cuir tout à l'heure. Oui. C'est vrai. Oui. C'est une occasion de cadeau. Alors on en profite. On profite d'en parler aujourd'hui parce que c'est la fête des pères. Mais c'est le genre de cadeau qu'on peut faire toute l'année. Vous allez dire, oh, mais c'est trop cher. Je pourrais jamais offrir ça à mon père. Eh ben pas vrai. Pas vrai. Enfin, quand je dis à mon père, ça peut être à votre maman. Oui, pourquoi pas. Pour équiper sa voiture. Et souvent, d'ailleurs, les femmes sont plus attirées par des intérieurs luxueux comme ça que les hommes. Moi, j'aime pas le cuir dans les voitures. Ah oui. Non. Je trouve ça. Pourquoi? Je trouve qu'il y a une odeur déjà. Alors puis, non, il y a des cuirs désodorisés totalement aujourd'hui. Ouais, hein. Ouais. Et puis, je trouve que c'est moins confortable que le tissu. C'est froid l'hiver, c'est chaud l'été. Enfin bref. Bah, tout dépend du cuir et tout dépend de la sellerie. Ouais, parce que vous avez maintenant des sièges qui sont ventilés et chauffants. Oh là là, des sièges ventilés et chauffants. Alors là, franchement. Ah, des sièges climatisés. C'est le cas de la Model X ou pas de Tesla? On va en parler dans un instant. Vous savez pas ça. Alors oui, si, c'est une option. Hey, vous avez une liste d'options sur la Tesla X. Non mais c'est incroyable. Alors c'est pas comme chez BMW où vous avez c'est le bottin et encore pire chez Porsche. Ouais. Quand vous achetez une voiture et qu'on vous propose le catalogue des options, il faut déjà une semaine pour mal. Le lire. On est d'accord. Non mais là il y a des options. Par contre c'est chaud. Vous pouvez mettre 30 000 euros d'options dans la Tesla X. Laissez auto, ce sera dans un instant avec la Tesla X. On vous expliquera comment débosseler aussi une voiture qui a été victime de la grêle. Et on retrouve Patrick qui est toujours là, hein, Patrick. Oui, je vous écoute religieusement. Bon, c'est bon, très bien. On espère. Alors, vous aviez une question sur l'écotaxe, c'est ça? Oui, je trouvais un petit peu bizarre, enfin un paradoxe entre ce que Jean-Luc prône à juste titre, donc le moteur essence, si on... Ah oui, vous parlez en fait du bonus-malus. On va faire une petite parenthèse d'ailleurs, tiens. Est-ce que vous savez que le bonus-malus, normalement, vous savez, le dispositif a été mis en place en 2008, il devait être à l'équilibre, c'est-à-dire que les recettes du malus servaient à financer les bonus qu'on donnait aux voitures. Donc au début, c'est un peu parti dans les choux, parce que les gens qui nous dirigent, enfin les technocrates qui sont à la tête de ça, ont un peu oublié que les constructeurs automobiles étaient un peu plus vifs que l'administration française. Donc ils ont réagi rapidement, ce qui fait que le système du bonus-malus a dérivé complètement et est devenu une catastrophe pour les caisses de l'État. On était à 1,46 milliard de pertes sur les premières années. Donc c'était juste énorme. On a donné des bonus en plus à n'importe qui et n'importe quoi. On le regrette un petit peu aujourd'hui. Il y a des voitures, moi c'est ce que je dénonçais à l'époque, des voitures qui n'avaient pas des diesels sans filtre à particules, qui ont eu des bonus écologique quand même, on marche sur la tête dans ce pays. Et alors donc on a redressé la barre bien évidemment pour que les comptes de l'État qui sont déjà dans le rouge redeviennent un peu plus verts. On l'a tellement redressé et ce que vous étiez en train de dire est fort juste, c'est-à-dire que on file des malus à tout le monde et sur les voitures thermiques, on ne peut plus avoir de bonus aujourd'hui. Peu importe leurs émissions de CO2, puisqu'au départ, je vous rappelle quand même que c'était en fonction des émissions de CO2 qu'on attribuait un bonus ou un malus. Et aujourd'hui, en admettant, c'est pas le cas, hein, mais en admettant qu'un constructeur soit capable de proposer un véhicule thermique essence ou diesel avec des émissions de CO2 très basses, admettons que y ait un scientifique qui trouve une idée géniale et qui propose une voiture qui soit à 30 grammes de CO2, hein, c'est pas possible, mais bon, elle n'aurait pas de bonus quand même parce qu'elle est thermique. Donc on marche sur la tête. Et ce système qui s'est considérablement durci, qui ne favorise aujourd'hui, on devrait l'appeler prime à l'achat des véhicules électriques, parce que c'est devenu uniquement ça. Ce système fait désormais des bénéfices, 140 millions d'euros en 2014, presque 100 millions d'euros en 2015. Vous allez me dire, bah ouais, ça fait une cagnotte pour financer les bonus. Eh ben non, mon bon monsieur. Ah bon? Non, comme l'argent qui arrive dans les caisses de l'État, bah les caisses sont vides d'un côté. Alors le fameux système qui devait s'autofinancer, bah maintenant il autofinance d'autres choses. C'est réattribué pour une grande partie au budget global. Voilà. Comme la vignette avant. Mais c'est exactement ça. Vous l'avez dit. C'est un nouvel impôt. Voilà. Bon. Ben c'est super. Voilà, donc on est heureux de savoir qu'on paye un nouvel impôt. Quand vous avez payé votre malus là pour votre Kuga, ben vous payez, considérez que vous payez un impôt. Merci Patrick pour votre appel et on enchaîne avec notre bon plan auto. Jean-Luc, c'est vrai qu'avec ce temps, on peut le dire pourri, il y a eu des trucs incroyables, des orages fous, des orages averses de grêle. Vous avez vu, dans certaines villes, en fait, on avait l'impression qu'il avait neigé. Il y avait 30 cm de hauteur, ou 15 ou 20 cm de hauteur de grêle. Ouais. Alors bon, là, c'était des petits grêlons, donc en général sans incidence pour les véhicules. Mais quand on commence à avoir des grêlons un peu plus gros, on se retrouve parfois avec une voiture qui ressemble à une Fuego, donc qui ressemble plus à rien une fois que la grêle est passée. Oh, Qu'est-ce qui vous arrive là? On était tranquille, bien comme ça, et puis paf, vous m'envoyez un sniper sur la Mais non, j'essaie d'expliquer aux gens que la voiture, une fois que la grêle est passée, ressemble plus à rien. Bon, voilà, l'image était bonne. Alors, il y a une technique quand même qui s'est développée. Ça fait déjà un petit moment que cette technique s'est développée, qui s'appelle le débosselage sans peinture. Ça s'appelle aussi la tôlerie sous lac. Ça veut pas dire que c'est des plongeurs sous-marins qui mettent votre voiture dans un lac. Parce que ça aussi, on l'a eu. Il y a eu la grêle, mais on l'a eu des voitures sous l'eau. Ah oui, vous avez. Alors, la tôlerie sous lac. Alors, bon, c'est un savoir-faire qui est quand même tout à fait spécifique. Ça a commencé, en fait, dans les ateliers de General Motors aux USA et chez Fiat à Turin. C'était utilisé en interne, vous savez, sur les lignes de fabrication. Il arrive parfois que, en se retournant ou un outil qui tombe, et on se retrouve avec une petite bosse sur la carrosserie, sans pour autant avoir fait un éclat à la peinture. Parce que si vous avez un éclat à la peinture, évidemment, ça sert à rien de faire du débosselage en peinture, puisqu'il faudra repeindre. Donc, mais si vous n'avez pas si la peinture n'est pas abîmée, si on a un petit impact, en fait, exactement, une petite bosse. Typiquement, vous imaginez la grêle, ça fait pas sauter la peinture, ça fait juste des bosses. Ça fait juste des trous quand ça arrive sur la carrosserie. Vous pouvez aussi avoir ça avec ça peut être un coup de caddie au supermarché ou un coup de portière. Ça peut être un caillou, un marron, une pomme de pin. Enfin voilà, des impacts variés. Alors comment ça fonctionne? Alors déjà, ça fait appel, franchement, je vous disais tout à l'heure, à une technique très particulière. Vous avez des techniciens qui travaillent au demi-millimètre près avec des outils très spécifiques. Ils vont, en quelque sorte, je vous fais simple, masser la carrosserie pour faire disparaître la bosse. Tiens, avec ces outils-là. C'est un peu le spa de la voiture, quoi. C'est ça. Si moi j'essaye de vous débosseler votre voiture, je pense que le résultat va être pire que la bosse initiale. Mais en revanche, quand vous voyez les spécialistes, alors c'est les Italiens qui sont les champions de ça aujourd'hui. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des grands épisodes de grêle en Europe, vous avez c'est des entreprises italiennes qui se déplacent partout en Europe pour aller faire ce débosselage en peinture. Quel est l'intérêt? Le temps d'intervention d'abord est très court. C'est 15 à 30 minutes pour une intervention sur un impact ou quelques impacts. C'est plus long, évidemment, si toute votre voiture a été grêlée, ça peut prendre quelques heures, mais c'est moins long, en tout cas, qu'une mise en peinture totale, et c'est surtout beaucoup moins cher. Le temps d'immobilisation de la voiture est beaucoup plus courte. Vous êtes sûr d'avoir toujours la peinture d'origine, puisqu'on ne vous a pas refait de peinture. Parce que parfois, vous savez, quand une voiture a un peu vieilli, sur certains coloris, la peinture a tendance à passer. Donc, on arrive aujourd'hui avec des appareils d'analyse à avoir exactement la même teinte que la peinture, mais il peut y avoir, dans le vieillissement de la nouvelle peinture, une nuance qui diffère de la peinture qu'il y avait avant. Alors, vous avez la même teinte. Surtout, ça dépend de la lumière aussi qu'il y a. Vous avez la même teinte au moment où on l'applique, parce que on a fait la même couleur sur mesure pour votre voiture, mais quand la voiture va avoir un an, il est possible que la nouvelle peinture ait vieilli moins vite que l'ancienne. Exactement. Donc, vous aurez une différence de teinte, ce que vous n'aurez pas avec le débosselage en peinture. Bon, autre avantage, c'est un procédé qui est 100% écologique, puisque ça se fait à froid, vous n'avez pas de solvant dans la peinture, etc. etc. Et surtout, c'est ça qui est le plus intéressant, le coût est 40% inférieur à celui d'une réparation traditionnelle. Donc vous avez tout intérêt. Alors les assureurs, bien évidemment, vu que c'est 40% inférieur, ils privilégient de plus en plus ces systèmes-là. Mais vous avez tout intérêt. En général, alors il y a des carrossiers qui se forment à ça, mais il y en a relativement peu. Mais vous avez tout intérêt, si votre voiture a été grêlée, à demander un débosselage sans peinture, ce qu'on vous proposera peut-être pas chez le carrossier du coin. Vous voyez ? D'accord. Qui fera venir à ce moment-là un spécialiste qui interviendra sur votre véhicule. D'accord. 8h41, Jean-Luc, on revient dans un instant. Nous aurons Julien qui va nous parler de sa Nissan Leaf qui a été attaquée par des rongeurs. Je ne sais pas si Laetitia est partie. Écoutez, non, elle est là. C'est en fait Tic et Tac qui ont attaqué la Leaf de Julien. Et puis, on retrouvera l'essai de la semaine. C'est la Tesla X, le premier SUV électrique. A tout de suite, c'était RMC. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Salut, c'est Jeannot Rességuier. Ça y est, ils l'ont fait. Tous ensemble, avec eux, derrière les Bleus, même s'ils nous font souffrir. Cette deuxième victoire de l'équipe de France, c'est un ticket pour les huitièmes de finale. Mais attention, pas de relâchement. Il faut aller chercher maintenant la première place à Lille à 21h contre la Suisse. L'Euro, c'est unique sur RMC. RMC, numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Pendant ce temps, chez Renault, vous en connaissez beaucoup des endroits branchés avec 5 portes. Voici Twingo, branché et même connecté avec mon smartphone et l'application Rengo. En juin, Renault Twingo est à partir de 129€ par mois, sans apport, sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois 40 000 km maximum sous réserve d'acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Salut vieille branche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Bah, tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Oh, ah, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute, la qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. Petit message Peugeot, en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert. Avec ses portes coulissantes main libre, sa navigation connectée, son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modiwork et son moteur 2 litres Blue HDI offrant la consommation la plus basse de sa catégorie. Nous comptons sur vous. Professionnel, découvrez le nouveau Peugeot Expert dans le réseau Peugeot. Détails sur peugeotprofessionnel.fr. RMC jusqu'à 10h, votre auto. Votre auto. Jean-Luc Moreau, François Sorel. Voilà, RMC 9h moins le quart dans un instant, l'essai de la semaine. La Tesla X, Jean-Luc l'a testé, va nous dire ce qu'il en pense. Mais une voiture électrique. Et bien sûr. Et là, on va apprendre que les rongeurs se mettent à la voiture électrique. Et oui, parce que la Nissan Leaf est un véhicule électrique, bien sûr. Julien, bonjour. Bonjour, Julien. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Bon, alors, votre Leaf a des misères avec qu'est-ce les rongeurs. Qu'est-ce qui vous arrive, Julien? Expliquez-nous. Bah, écoutez, j'ai eu la désagréable surprise que les rongeurs grignotent le vase d'expansion de liquide de frein. Attendez, donc, alors de liquide de frein? Oui. Ah ouais. Liquide de frein, vous savez, d'accord. On a dans la voiture et ils ont grignoté uniquement cette partie. Vous êtes sûr que ce n'est pas le liquide de refroidissement? Non, c'est bien le liquide de frein. Liquide de frein, d'accord. C'est bien le liquide de frein, d'accord. Donc exactement que cette partie. Et donc le garagiste m'a effectivement confirmé qu'il y en avait pour 3 700 € de réparation, parce qu'en fait il faut changer tout le bloc de frein sur la Nissan Leaf. Non. Cette pièce est ensachée complètement dans le bloc de freinage. Mais quel type de rongeur vous a fait ça, Julien? Vous avez une idée ou pas? Non, j'en ai aucune idée, parce que bon, au départ, je pensais que c'était dans mon garage, mais j'ai plusieurs véhicules dedans et ils n'ont jamais rien attaqué. Ouais. Donc, je pense que ça s'est fait à l'extérieur de mon domicile, mais j'ai pas d'idée, si vous voulez, sur le type de rongeur. Donc, l'assurance ne prend pas en charge, évidemment, puisque ce sont des rongeurs, même en étant... Oui, parce que le rongeur n'est pas assuré, quoi. Non. C'est ça. Et pour l'instant, je n'ai pas de réponse de Nissan. puisque sur les sites internet, j'ai commencé un petit peu à regarder. Apparemment, il y aurait des matières biodégradables aujourd'hui dans les plastiques. Oui, alors non, alors ça, là, on va commencer par ça. Alors déjà, votre assureur, il est un peu rat, hein, je trouve. Hein, ouais. Et c'est pas parce qu'on sourit que. Allez, on y va. Ouais, non, on va vous faire la totale. Non, Julien, alors déjà, excusez-nous. Déjà, quand même, pour parler des plastiques, on appelle ça les plastiques biosourcés. Certains, quand vous allez aujourd'hui au supermarché et que vous prenez un sac plastique, en général, ils sont faits à base d'amidon de maïs ou de pommes de terre. On peut pas mettre ce genre de produit qui, puisque c'est biodégradable, on peut pas mettre ce genre de produit dans les voitures. Donc ceux qui vous disent aujourd'hui, on a des attaques de rongeurs sur les véhicules simplement parce que on a des durites qui sont faits à base de maïs, c'est totalement faux. Ouais, c'est pas possible. C'est totalement faux. C'est pas ça du tout. En fait, imagine ce qui se passe souvent. Imagine si la voiture se transforme en pop-corn, c'est embêtant. Oui, oui, mais non. Ce qui se passe, c'est que il y a souvent des liquides. Par exemple, le liquide de refroidissement. C'est pour ça que j'étais étonné qu'il mange le liquide de frein. Alors, j'ai jamais goûté à du liquide de frein. Non. Mais du liquide de refroidissement. Ça a un goût sucré, donc ça forcément attire. Ça attire les bêtes. Ça attire les rongeurs et ça attire. Alors on a Laetitia avec nous parce que je suis pas un grand spécialiste de bestioles, même si elles ronchent sous les capots. C'est les mustélidés, c'est comme ça qu'on dit. Mustélidés, non, les mustélidés, ce ne sont pas du tout les rats, les souris. Ça c'est les fouines. C'est... Voilà, fouines. Alors je sais pas pourquoi on dit que les fouines vont manger aussi les câbles des voitures. Ce sont des carnivores, donc je sais pas ce qu'il y a de manger de viande dans la voiture. Mais peut-être qu'ils se font les dents ou ouais. S'ennuient. Oui, bien sûr. C'est ce qui s'est passé en fait avec la bestiole rongeait son frein et elle a rongé le frein de la Leaf. Alors Julien, bonjour. Je pense que oui, les rongeurs, oui, peuvent manger. Oui. Alors voilà, il y a des choses sucrées peut-être. Voilà, comme le liquide de refroidissement. D'ailleurs, même les chiens peuvent en manger et c'est très toxique. Donc je pense qu'ils vont pas très loin après les rongeurs. Oui, hein, parce que c'est un cadavre de rongeur toxique, pas loin. Voilà. Ouais. Bon, cela dit, s'il avait rongé les câbles électriques de la Leaf, il serait pas allé loin non plus. Hein. Alors, il y a eu du rongeur grillé. Hein. Ça, c'est clair. Mais bon, les mustélidés, non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire fuir ? Eh ben, écoutez, vous savez, il y a énormément de refuges, Julien, en France, avec beaucoup de chiens et de chats adoptés. Alors, les chats sont des chasseurs naturels, bien sûr, des souris, des rats, etc. Et il y a aussi des petits chiens qui chassent bien aussi les rats. Ce sont les ratiers. Donc, je vous conseille d'adopter un animal prédateur et qui va faire un peu la loi dans votre garage. Parce que et qui va surveiller la Nissan Leaf. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un gardien, un chat ou un chien gardien du corps de votre voiture. Merci beaucoup Julien, merci Laetitia d'être passée. elle a fait du rap, Laetitia. Voilà. Bon Jean-Luc, on enchaîne avec une autre voiture électrique, la Tesla X. Et c'est l'essai de la semaine et c'est un essai exceptionnel. Alors, vous savez que très peu de journalistes ont pu la tester. Exactement. Alors vous savez que c'est pas anecdotique du tout Tesla en Europe puisque la Tesla S, hein, c'est la berline, elle se vend plus que les Mercedes Classe S, les BMW série 7 et les Audi A8, vous rendez compte ? Et quand on sait que le marché du SUV c'est 2,5 fois celui des grandes berlines, vous imaginez que Tesla espère quand même vendre ce véhicule à des quantités beaucoup plus importantes que la Tesla S. Alors quelle différence par rapport à la S ? C'est la même base. C'est la même base, donc c'est les mêmes moteurs, c'est les mêmes batteries. En revanche, il est un peu plus long, 5,02 m contre 4,97 m. Il est plus haut surtout, 1,68 m contre 1,44 m. Et puis sa silhouette est complètement différente. Alors perso, j'aime un peu moins l'esthétique de ce SUV que celui de la berline. Ça l'empêche pas d'afficher un CX record, un 0,24. Et surtout d'avoir des portes papillons qui sont très spectaculaires. C'est des portes arrière en fait qui sont des portes papillons. On s'approche de la voiture, il y a même une option qui fait que les portes peuvent s'ouvrir automatiquement quand vous vous approchez de la voiture. Portes avant d'ailleurs, ça le fait. Hein, ça le fait. Bon, le seul truc, c'est que pour l'instant, alors il y a tout un tas de capteurs évidemment pour ne pas que ça touche sur le côté, pas que ça touche en haut, etc. Tesla travaille encore sur le programme pour arriver à perfectionner l'ouverture de ces portes. Elles sont un peu lentes pour le moment. Bon, l'avantage, c'est qu'on accède très bien à l'intérieur du véhicule, y compris à la troisième rangée, parce que ce modèle est disponible en 5, 6 et même 7 places. Oh, c'est deux options qui sont à 3300 ou 4400 euros. Oui, ça, c'est des options. Ça fait chaud. Vous allez voir, à la fin, ça fait chaud. Alors, L'avantage, c'est que on a quand même de la place dans cette voiture. Je vous ai dit qu'elle faisait plus de 5 mètres de long. Trois passagers de 1,80 m peuvent tenir les uns derrière les autres. On a aussi un grand coffre. Il y a deux coffres, hein. Il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Au total, quand les sièges sont rabattus, on a 2180 litres de volume de chargement. C'est juste un camion. C'est géant. C'est géant comme l'impression qu'on a à l'intérieur, parce qu'il y a un pare-brise panoramique. Et quand vous êtes assis, en fait, aux deux sièges avant, vous avez l'impression de ne pas avoir de toit. D'accord. C'est-à-dire ce pare-brise panoramique va beaucoup plus loin que les pare-brises panoramiques équivalents. Surtout, il n'y a pas de montant au-dessus. Donc vous avez vraiment la sensation d'être en fait dans un hélicoptère, ou plutôt dans un jet. Pourquoi je dis dans un jet? Parce que quand vous appuyez sur la pédale des gaz, ça fait et plus. Ça dégage. Eh ouais, parce que bon, alors l'engin, c'est pas une ballerine, hein. 2,5 tonnes. On se dit, oulala, ça va être lourd. Mais il y a quand même deux moteurs électriques qui totalisent 471 chevaux, 830 Nm de couple, et vous avez même une option. Alors, elle est facturée 11 000 euros. On en a parlé il y a pas longtemps. Vous savez, c'est un fusible, en fait, qui est facturé 11 000 euros. Je schématise, qui permet d'avoir 539 chevaux et 967 Nm de couple. Ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire que quand j'appuie sur l'accélérateur, sur cette version avec le fusible, on passe de 0 à 100 en 3 secondes 4. C'est quoi? 3 secondes 4, bah c'est mieux qu'une Porsche 911S. D'accord, ouais, un Porsche Cayenne Turbo, qui est ce qu'il y a de plus rapide dans la catégorie, reste 0,7 secondes derrière en accélération. Voilà. Et surtout, quand vous doublez, passez de 80 à 120, là vous appuyez, vous avez intérêt à déboîter avant d'ailleurs, si vous appuyez et que vous déboîtez pas, vous êtes encastré dans le camion de devant. C'est ça. On passe de 80 à 120 en 2 secondes 4. Mon Dieu. 2,4, comptez 1, 2, et vous êtes déjà passé 120. De 80 à 120. C'est-à-dire qu'à la moindre pression sur l'accélérateur, franchement, ça vous catapulte, et c'est vraiment le mot. On reste et tout sur ça le dans ciel, un confort qui est franchement excellent, puisque vous avez une suspension pneumatique qui est livrée en série dès le deuxième niveau de gamme sur cette voiture-là, qui à la fois fait un peu tapis volant et maîtrise parfaitement les mouvements de caisse de la voiture. C'est-à-dire que même si elle est lourde grâce à la batterie qui est très basse, elle a un comportement qui fait partie des meilleurs dans la catégorie. Alors vous allez me dire, quelle autonomie, parce que c'est vrai que ça compte. C'est bien fini. Alors ils ont fait des progrès, oui. Par rapport à la S, on a moins de bruit de mobilier. Parce que dans les premières Tesla S, ce qui était le plus décevant, en fait, c'était la finition à l'intérieur. Ouais, c'était pas au niveau des voitures allemandes. C'est toujours pas au niveau d'une Mercedes, d'une BMW ou d'une Audi, mais ça a beaucoup progressé. Et on a moins de bruit de mobilier. Les cuirs sont plus jolis qu'auparavant. Les finitions sont meilleures qu'auparavant. Et vous savez, de toute façon, que vous avez un tableau de bord totalement épuré. Mmh. C'est le même que dans la Tesla. Avec des écrans tactiles, c'est ça. Avec un énorme écran tactile qui fait 41 cm, qui est dans le sens de la hauteur, qui regroupe toutes les commandes, sauf le bouton warning, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bouton sur la planche de bord, et vous avez aussi le tableau de bord, pareil, c'est un écran paramétrable, donc on est vraiment passé, là, ils sont dans le 21e siècle en matière d'automobile. Alors, la batterie, parce que c'est quand même important, sur le modèle que j'ai essayé, il y avait la grosse batterie 90 kWh, pour la recharger sur une prise normale, il faut pas être pressé, parce qu'il vous faudra la semaine. Enfin non, il vous faudra la semaine. Non, il vous faudra du temps, deux jours et demi. Bon, sur un superchargeur, ça va beaucoup plus vite. Sur un superchargeur, vous récupérez 80% de l'autonomie en 40 minutes. Ça fait long le plein quand même, hein. Oui, mais vous pouvez faire un café. Vous pouvez faire réellement 400 km avec la voiture si vous roulez gentiment, 300 km si vous êtes à Paris-Marseille, on recharge qu'une fois au milieu. Vous rechargez qu'une fois au milieu. 400 km, 300 km sur l'autoroute si vous roulez un petit peu plus vite. La voiture quand même atteint 250 km/h. Et elle les atteint, je vous ai dit tout à l'heure, 80 à 120 en 2 secondes 4. Quand vous partez de zéro et que vous allez à la vitesse maxi, ça va extrêmement vite. Alors, ça coûte combien? Eh ben voilà, c'est bien beau votre Tesla. C'est ça la question. Le modèle de base, avec des guillemets, la 75D, ouais, 75D, elle démarre à 102 300 euros. Et le P90D... coûte, celui que j'ai essayé, donc coûte 135 000 euros. Bon, vous avez 6 300 euros de bonus écologique, mais franchement, ça vous paye le cendrier. Voilà. Et comme je vous ai dit, on peut avoir jusqu'à 29 650 euros d'options. Donc, si vous voulez le modèle tout équipé, vous êtes pas loin de 170 000 euros. Ça fait chaud quand même. Hein. Bon, vivement la Model 3, qui elle sera beaucoup moins chère. Qui sera beaucoup moins chère, elle sera au prix des options du Model X, en fait. C'est ça. Mais très honnêtement, aujourd'hui, c'est une des meilleures voitures du monde. Oui, toutes catégories confondues. Je parle pas que de voitures électriques. Et quand c'est une des meilleures voitures du monde. Quelques années d'existence, ça quoi, 5 ans, hein, cette boîte-là. C'est dingue. On revient dans un instant, Jean-Luc, pour notre deuxième partie dédiée à l'automobile. Va-t-on vers une surveillance totale des automobilistes? L'actu de la semaine avec Automoto et on fêtera la fête des pères comme il faut. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. L'UEFA Euro 2016, c'est sur RMC que ça se passe. Aujourd'hui à 21h, Roumanie-Albanie et Suisse-France. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Toute la passion du foot avec Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet. En ce moment, pariez sur les matchs de l'équipe de France sur PMU.fr. PMU.fr vous offre 10 euros à chaque but des Bleus. N'attendez plus, pariez sur le foot sur PMU.fr. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Offre réservée aux titulaires d'un compte PMU.fr valable jusqu'au 10 juillet 2016. Limité à 3 paris gratuits de 10 euros par match, crédité dans les 72 heures suivant le match. Conditions détaillées sur PMU.fr. Et si on parlait Renault Service ? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end. Mes pneus sont usés. Ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé. Mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli. Voir conditions sur Renault.fr. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais authentique et généreux, et qu'il aurait été élevé dans un fût de chêne. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards ? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Votre application RMC Sport évolue. Téléchargez-la gratuitement. RMC Sport, plus qu'une équipe, une Dream Team. Bonjour, vous êtes chez Martin Plomberie. Je répare une dizaine de fuites, j'installe la tuyauterie d'un immeuble et je serai de retour d'ici une petite demi-heure. On est plus efficace quand on travaille avec Citroën Berlingo. Pendant les jours pro du 16 au 25 juin, venez vite essayer Citroën Berlingo VU Blue HDI, élu utilitaire de l'année au Trophée Argus. À partir de 159 euros par mois, maintenance comprise, sans apport. Citroën. Location longue durée 36 mois à 50 000 km, offre jusqu'au 31 août sous condition de reprise d'un cumulable hors taxe réservé aux professionnels sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur citroëncarstore.fr. Et c'est avec Christine Peña qu'on fait un point sur la météo de ce dimanche. Ça s'améliore lentement, lentement, Christine. Mais sûrement. Voilà. Alors, on a quand même une mauvaise nouvelle en Bretagne. C'est déjà très couvert, pluvieux. Et c'est une perturbation qui va nous embêter, en fait, lundi et mardi. La bonne nouvelle, c'est dans le sud-ouest. Les nuages accrochés au pied des Pyrénées ce matin seront beaucoup moins nombreux cet après-midi. Grand ciel bleu en Aquitaine cet après-midi. Le vent souffle en Méditerranée, chasse les nuages. Du coup, vous avez du soleil aussi. Attention, le temps est orageux encore. C'est sur les Alpes du Sud. En Auvergne, vallée du Rhône, Franche-Comté, c'est un peu plus nuageux avec encore de l'humidité, quelques averses ici et là. Dans le nord-est également, un peu moins de pluie quand même qu'hier. Et puis, le soleil va vraiment être présent cet après-midi sur le nord Pas-de-Calais, la région Centre, la région parisienne, le Poitou-Charentes. Voilà, et puis en Normandie, c'est encore assez couvert, ainsi qu'en Pays de la Loire. Mais le soleil pointe le bout de son nez. Allez, les températures, elles ne bougent pas. Elles sont toujours aussi basses. 18 à Tarbes, Mulhouse, Le Havre, Brest. 20 à Dijon, Lille. 21 à Bordeaux et Paris, ainsi qu'à Lyon, jusqu'à 27 quand même, ça augmente du côté de Montpellier. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC avec dès 14h, Formule 1, départ du Grand Prix d'Europe. 15h, l'arrivée des 24h du Mans. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi de Suisse-France et de Roumanie-Albanie. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 9h01, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, il faut nous séduire encore un petit peu plus les Bleus du football et leur dernier match de poule ce soir, 21h, face à la Suisse. Presque une semaine de passé, l'émotion ne retombe pas dans les Yvelines. Marche hier, marche du souvenir pour le couple de policiers assassinés par le terroriste Abala. Et puis il y a 30 ans précisément, la France perdait Coluche, perdait son humoriste star, journée d'hommage ce dimanche. Il est 9h01 sur RMC, bonjour à tous. RMC, UEFA Euro 2016. Une première place de groupe en jeu pour se faciliter la suite de la compétition. Voilà le programme des Bleus du foot ce soir, dernier match du premier tour de l'Euro face à la Suisse, 21h ce soir, et c'est Lille qui sera en bleu avec l'accent Jean Baumel. Oui, et parmi les quatre anciens du LOSC, les noms de Dimitri Payet et Johan Cabaye sont les plus cités par les supporters lillois. C'est un chouboulette, Johan Cabaye, mais voilà quoi. J'espère qu'il va faire quelque chose pour nous, hein. Fier d'être ch'ti, fier d'être lillois, fier d'être du Schnorr et fier d'avoir nos joueurs qui aujourd'hui représentent la France. C'est gratifiant pour nous quand on voit que de bons, très bons joueurs comme eux, ils arrivent à se montrer en équipe de France comme Dimitri Payet qui marque des buts sublimes. On sent une grande fierté. Ce soir sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, il y aura côté suisse un autre ex-lillois, le capitaine Stefan Lichtsteiner, très apprécié par les supporters de la Nati. C'est quelqu'un qui en veut beaucoup, donc je crois que dans le Nord vous aimez assez bien ça aussi, des gens qui en veulent. La dernière fois qu'une sélection suisse est venue au stade Pierre-Mauroy, c'était en novembre 2014. Elle avait battu la France 3-1, mais c'était en finale de Coupe Davis. En espérant que le résultat soit différent. Alors, je vous le disais, c'est bien la première place du groupe qui est en jeu ce soir. Et ce n'est pas du tout anodin pour Jean-Michel Larquet. Si nous terminons premier, nous avons de grandes chances de tomber d'abord sur un troisième. Si on termine deuxième, on commence par se taper éventuellement la Pologne. Et on a sur notre route l'Espagne. Où est le bon chemin, où est le chemin le plus facile et où est le chemin le plus difficile? Ce match contre la Suisse est le plus important des matchs parce qu'il détermine quasiment tout de la suite. La ferveur bleue depuis une semaine, elle est là, elle est bien là. On s'en rend compte dans les stades, dans les fan zones. L'équipe de France séduit. Et ça se voit aussi dans les magasins de sport, Benoît Ballet. Caisse numéro 2. Madame, bonjour. Maillot des Bleus en main, Nathalie fait floquer au dos le nom de son joueur préféré. Plutôt que Griezmann ou Pogba, elle a choisi Payet. Comme moi, je viens de l'île Maurice, il est à La Réunion, il est à côté, voilà. Et il joue bien. Victime de leur succès, certaines tailles du maillot version blanche sont déjà en rupture de stock. Alexandra est déçue, elle en cherchait un pour elle et son mari. Tant pis, monsieur ressortira celui de 98. J'espère qu'il l'a encore et qu'il n'est pas trop petit. Moi, j'en ai un du PSG, peut-être ça peut passer. Un engouement chiffré. Kevin Laëchion-King est directeur du magasin Go Sport des Halles à Paris. 7 maillots achetés sur 10 sont des maillots des Bleus. Le jour de match, c'est vraiment un gros engouement de visiteurs et d'acheteurs. Donc on attend la qualification étape par étape. Bien sûr, la victoire pour aller au bout et ça sera que gagnant-gagnant pour nous, magasins et l'équipe de France. Selon la direction de la chaîne de magasins française, les ventes de produits officiels des Bleus sont deux fois plus importantes que lors de la Coupe du Monde 2014. Ouais, le reportage de Benoît Ballet. Les résultats de cet Euro, les résultats d'hier. La Belgique a relevé la tête, victoire 3-0 sur l'Irlande. Le Portugal, lui, est en souffrance. 0-0 face à l'Autriche. Un partout entre l'Islande et la Hongrie. Et puis cet Euro, ce sont aussi les supporters. Oui, il y a des débordements. Oui, les hooligans entachent un peu la compétition. Mais le vrai supporter, c'est plutôt ça. Vous entendez les chants à Bordeaux de supporters irlandais. Stand up for the French police. Debout pour la police française. Scène assez surréaliste dans les rues de Bordeaux. Hommage à la saveur bien particulière dans l'ambiance actuelle pour les forces de l'ordre. Il est 9h04 sur RMC. Mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Les deux proches de la Rossie à Bala, écroué tard hier soir. Dernier élément de l'enquête sur le meurtre du couple de policiers dans les Yvelines lundi dernier. L'émotion, elle, ne retombe toujours pas sur place. Marche organisée hier à Mantes-la-Ville où travaillaient les deux victimes. Un autre rassemblement est organisé aujourd'hui à l'initiative cette fois-ci de la communauté musulmane. Abdelaziz El Jawari dirige l'une des mosquées à Mantes-la-Ville. Si nous avons pris cette initiative de la marche, c'est en effet pour répondre à un double appel quelque part. Premièrement au niveau de la communauté musulmane qui est vraiment horrifiée par ce qui s'est passé et qui a besoin d'exprimer sa solidarité avec les victimes. Et la deuxième des choses, c'est que malgré notre participation aux différents rassemblements, certaines personnes ou groupes osent encore se poser la question d'où est-ce qu'ils sont les musulmans, pourquoi les musulmans ne s'expriment pas et ainsi de suite. Donc nous avons voulu une expression qui soit forte, qui soit sans ambiguïté sur cette question. Abdelaziz El Jawari au micro de Léa Zakari. À l'étranger, premier sondage ce dimanche après le meurtre de la députée Jo Cox au Royaume-Uni. Sondage à 5 jours du référendum sur le Brexit et les partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne et qui prennent la tête avec 45% des suffrages. Pour la première fois, un président de la République va donc devoir se soumettre au scrutin dans son propre camp. Le Parti Socialiste a validé hier l'organisation d'une primaire de la gauche gouvernementale. François Hollande devra donc s'y soumettre. Ce sera les 22 et 29 janvier prochain. Le frondeur Laurent Baumel est satisfait qu'enfin le PS accepte le principe de cette primaire. Ça montre déjà une chose qui est importante, c'est que le Parti Socialiste finalement ne considère plus que le président de la République est le candidat mécanique ou naturel. Il comprend qu'il doit y avoir un débat démocratique pour choisir notre candidat à la présidentielle. Donc ça, c'est une bonne chose. Dans le fond, François Hollande a sans doute compris de toute façon, il n'échapperait pas à un débat avec les électeurs de gauche sur son bilan, sur les déceptions qu'il a provoquées. Et il s'est sans doute rangé à l'idée qu'il valait mieux avoir ce débat dans le cadre d'une primaire que dans l'élection présidentielle. Laurent Baumel avec Marie Monnier. Il faut croire que le lycéen d'aujourd'hui, a un peu de mal avec la difficulté. Nous sommes en plein bac, épreuve d'anglais cette semaine. C'était trop dur, disent certains. Alors aujourd'hui, on ne se contente pas de quelques larmes à la sortie de la salle d'examen. Aujourd'hui, on lance des pétitions sur Internet pour retirer l'un des exercices Nolwenn l'a signé. Bah, la première lecture, déjà, j'ai trouvé ça compliqué. Mais bon, après, je me suis dit, je vais lire plusieurs fois, comme je fais d'habitude. Et même quand je suis sortie de l'épreuve, j'avais toujours pas compris le texte. Ça traitait de notions écologiques, architecturales et historiques en anglais. On n'avait jamais vu ça en cours. Je pense pas avoir au-dessus de la moyenne, franchement. Moi, personnellement, j'aimerais que les correcteurs soient assez indulgents sur nos copies. Ce matin, la pétition a recueilli plus de 11 000 signatures. C'est ridicule pour Mélodie. Elle est aussi bachelière. J'ai pas trouvé le sujet plus difficile que ça. On regarde tous des séries, des films américains, etc. Donc c'est des choses que n'importe qui devrait savoir. Puis après, au niveau du vocabulaire, faut aussi se dire qu'ils vont pas s'arrêter à nous donner du vocabulaire comme on peut avoir en classe de 6e avec moto, manger ou des choses toutes bêtes. Faut qu'ils arrêtent de croire que le bac, c'est aussi un diplôme qu'on offre. Le reportage de Julien Coudreau. Et puis le souvenir d'un personnage qui fait partie aujourd'hui de l'histoire de la France. Le 19 juin 1986, il y a 30 ans précisément, Coluche trouvait la mort au guidon de sa moto, 30 ans après. Ses sketchs, ses films restent terriblement d'actualité, Charlotte Perronnet. Coluche, c'est l'histoire d'un mec qu'on n'oublie pas. Il y a plus de 30 ans, il parlait déjà avec humour des problèmes de la France, les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Écoutez ce qu'il disait en 1979 sur les syndicats. Je suis syndiqué, je suis à FO. FO, le syndicat qu'il vous faut. C'est celui qui fait le moins grève, donc on gagne plus. D'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne, ce que le mercurochrome est à la jambe de bois. Et il y a 30 ans, tout pile, sur les chômeurs. Tout le monde gueule, on dit, ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai, de l'argent leur suffirait. Les politiciens, les syndicalistes, les patrons, ouais. Tout le monde y passait, y compris les supporters. Attention. Vous êtes prévenus pour le match des Bleus de ce soir. Ils sont cons, les supporters. Si on allait par là, on peut toujours trouver plus con que les supporters. Il y a les sportifs, ces supporters ils sont assis, les autres ils courent. 30 ans après sa mort, ses sketchs rappellent durement à quel point les problèmes des Français n'ont pas changé. Mais une chose est sûre, et Coluche le disait, il était capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c'était lui le meilleur. Voilà le reportage de Charlotte Perronnet, 9h09 sur RMC. Le rugby ce week-end, on connaît l'affiche de la finale du top 14. Cette saison, ce sera la semaine prochaine entre le Racing et Toulon. Toulon qui s'est qualifié hier en battant Montpellier, Bernard Laporte. Le manager toulonnais s'attend à souffrir la semaine prochaine face au Racing. Le Racing, il faut dire les choses comme elles sont. On n'est pas là pour se faire de la pommade. C'est fond de finale. Ça veut dire que c'est la meilleure équipe de France, c'est point à la ligne. Voilà. Après, si on veut finir premier de cette saison à l'ATP, il faut gagner. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, avant le match, c'est eux qui font de finale. Donc, c'est, j'aime pas le mot de favori parce que je sais pas s'ils sont favoris ou si je ne sais rien du tout. Mais enfin, il faut reconnaître quand même leur excellent parcours. Voilà, Bernard Laporte, 9h10 sur AMC. Les courses, pour terminer, François Sorel. Thomas Chupin, avec un tiercé quarté quinté plus cet après-midi à Chantilly, c'est le prix de Diane. Avec le chapeau, bien sûr. Avec évidemment le chapeau. Le chapeau qui va très bien à Jean-Luc Moreau. Ah oui, d'ailleurs. Certainement. Surtout le chapeau du côté de Chantilly, je pense c'est que vrai. Ça irait pas mal. Sébastien Arras nous conseille de retenir le 10, la Cressonnière et le 9 Armande. Brahim Aslou m'aime beaucoup la Swiss Range. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 8 Volta et le 13 Juliette Rose. Donc le 10, le 9 Las, le 8 et le 13. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il Il est 9h11, le week-end des experts, l'automobile, le retour avec Jean-Luc Moreau qui est toujours à mes côtés jusqu'à 10h, vous le savez, comme chaque dimanche. Jean-Luc répond à toutes vos questions et à partir de 10h, vous retrouverez les GG du sport avec Serge Simon et Christophe Cessieux. Jean-Luc, pour cette deuxième partie, pas mal de choses. Alors, on va penser au papa. On va penser au papa. Ça, c'est du... On va dire que ça sera le petit rayon de soleil après le gros tunnel qu'on va passer là, parce qu'on va parler de quelque chose qui peut être assez désagréable. Et puis tout à l'heure, mais qui vous concerne tous, bien sûr. Et puis on survolera toute l'actualité. Et puis on survolera pour finir l'actualité de la semaine. Comme chaque semaine avec Automoto. Exactement. Mais pour commencer un gros morceau. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la loi El Khomri. Et il y en a une autre qui est passée totalement inaperçue, qui s'appelle loi sur la justice du 21e siècle. Vous allez me dire, mais le 21e siècle, c'est beau, ça fait déjà un petit moment qu'on y est. Ouais. Avec quelques mesures qui concernent les automobilistes que nous sommes et qui risquent de passer, puisque Rémi Jossaume, notre avocat, est avec nous. Bonjour Maître Jossaume, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des Avocats. Je crois que c'est le seul avocat qui travaille le dimanche qu'on entend régulièrement. Il travaille night and day. Ah oui, c'est ça. Oui. Bonjour Maître. Bonjour Jean-Luc, bonjour pour toi. Il travaille 7 days a week. Oui, vous avez vu ça, on a fait des gros progrès en anglais. Et donc, Rémi va nous confirmer, avant de rentrer dans les détails de cette loi, elle risque d'être adoptée cette semaine, le 22. Il y a ce qu'on appelle une commission... paritaire, c'est ça? Oui, alors effectivement, le projet de loi, il est en phase, j'allais dire, terminale, puisque le processus législatif est en train d'être achevé là par les députés et les sénateurs. Il y a effectivement ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire que sénateurs et députés sont en train de se mettre d'accord sur un texte final. Alors sur un texte, un texte hallucinant avec des mesures. Alors déjà, pour tous ceux, on va commencer, on se les fait dans l'ordre. Ceux qui ont des permis étrangers, qui disent « ouais, je circule en France en toute impunité », ça va être terminé, ça? Alors oui, effectivement, n'importe quel étranger qui circule en France, comme n'importe quel Français d'ailleurs, qui circule à l'étranger, l'un comme l'autre ne sont pas concernés par le permis à points local. Bon, alors ça peut paraître effectivement un petit peu surprenant de voir certains véhicules à plaque étrangère rouler très très vite en France en se disant que ces gens-là ne risquent pas de perdre de points sur leur permis de conduire. Alors ils peuvent avoir un PV quand même, on va le préciser. Oui, s'ils sont arrêtés, ils peuvent avoir un PV. Et puis s'ils ne sont pas arrêtés, aujourd'hui en Europe, ça fonctionne avec certains pays, ça fonctionne pas trop mal pour arriver à transmettre les PV. Oui, voilà, mais enfin, ceci étant dit, entre nous, une fois que vous êtes rentré dans votre pays, il ne se passe plus grand-chose en termes de mesures de contraintes. Alors, cette réforme-là législative prévoit la mise en place virtuelle, c'est ce qu'est de le dire, d'un permis à points pour les étrangers, qui serait doté d'un nombre de points comme pour les ressortissants français, et qui serait débité d'un nombre de points qui reste à fixer par rapport aux infractions qui seraient constatées. Alors exemple, j'ai un permis belge, alors en Belgique il n'y a pas de permis à points, j'ai un permis belge, je circule en France avec mon permis belge en me disant je suis peinard, et pas du tout, on va m'affecter par exemple 12 points comme un permis français, et j'en perdrai à chaque fois que j'ai une infraction. Et le jour où j'ai tout perdu, j'ai plus le droit de circuler en France. En gros, c'est exactement, ça. Et en Belgique, oui. Cela. Alors, en Belgique, oui, heureusement, j'allais dire, mais effectivement, ça serait cette solution-là qui serait envisagée. Et on envisagerait une interdiction de conduire pendant une année. Donc, ce serait quand même extrêmement long. Alors, reste à déterminer si les radars automatiques vont être vraiment concernés, parce que là, il y a une vraie difficulté pratique. Le ressortissant belge, allemand ou hollandais, peu importe, qui prête son véhicule à quelqu'un vient se faire flasher en France, est-ce que c'est lui le titulaire de la carte grise qui va perdre les points? Donc il y a quand même beaucoup de difficultés pratiques, mais c'est dans l'air du temps et on est, semble-t-il, bien passé de l'effet d'annonce à une application concrète dans quelques mois. Voilà. Bon, alors également, on ne pourra plus mettre la carte grise de son véhicule au nom de son chien. Enfin, je dis, bon, au nom de son chien, mais il y en a qui mettaient au nom de leurs enfants, donc qui sont non titulaires du permis. Donc, à partir du moment où la carte grise est au nom de quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire, on peut évidemment pas lui retirer de points dans les amendes de radar automatique, parce que si vous vous êtes arrêté, c'est bien le conducteur qui perd des points. Mais là, donc ça va être fini aussi. Alors, semble-t-il, effectivement, là aussi, on veut mettre fin à une pratique un peu déviante du système. Alors, c'est pas qu'on ne pourra plus mettre au nom de quelqu'un qui n'a plus le permis, c'est qu'on devra accoler au nom de celui qui n'a pas le permis le nom de quelqu'un qui, lui, a le permis de conduire et qui sera présumé responsable des infractions commises par le véhicule immatriculé au nom de quelqu'un qui n'a pas le permis. Donc, en d'autres termes, pour être pratique, si Jean-Luc, vous mettez votre véhicule au nom de votre enfant mineur, eh bien, à côté de son nom sur la carte grise, il y aura votre nom à vous, et c'est vous qui serez responsable, présumé responsable des infractions commises avec le véhicule, puisque... Ne prenez pas cet exemple-là, Rémi, s'il vous plaît. vous le savez tout comme moi, Jean-Luc, un déficit de points évident. Oui, non, mais ça, je suis tenu au secret professionnel. Oui. C'est bien, parce qu'en Rémi. Disant ça, vous ne faites que confirmer. Je vous remercie tous les deux. Bon, un truc qui a fait aussi couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, les forces de l'ordre pourront accéder aux données de l'ordinateur du véhicule. Alors, toutes les voitures aujourd'hui, même ceux qui disent « moi, j'ai pas d'ordinateur dans la mienne », à partir du moment où on a un véhicule relativement récent, c'est 2005, je crois, la prise OBD sur les véhicules, Rémi, je suis... Enfin, c'est à peu près ça. Ouais. Donc, on a une prise diagnostique sur les voitures qui permet d'accéder au calculateur de bord, et les forces de l'ordre auront la possibilité d'accéder à ce calculateur. C'est Big Brother. Alors, c'est comme ça que c'est rédigé dans le texte. C'est-à-dire qu'effectivement, le texte, alors soit il a été extrêmement mal rédigé, j'y crois pas, soit il a été rédigé pour maintenant, mais aussi pour l'avenir. C'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, la disposition législative prévoit la possibilité aux forces de l'ordre, d'après effectivement l'accès aux données physiques et numériques embarquées du véhicule, de pouvoir, dit le texte, constater les infractions au présent code. Et au présent code, c'est au code de la route. Donc on peut effectivement envisager, alors il y aura des difficultés pratiques évidentes, mais on peut envisager qu'à terme, les forces de police puissent, à l'appui de ce qu'elles ont pu tirer comme information du véhicule, constater et relever une infraction au code de la route. Alors il y aura des difficultés pratiques évidemment, parce que si on constate que vous avez roulé à 200 km/h deux jours avant, si vous étiez sur circuit, si vous étiez en Allemagne... Certains constructeurs qui disent on n'a pas accès à ce type de données sur les calculateurs des voitures. Vous pensez que c'est vrai pas vrai? Non, mais je pense la réalité, et on a vérifié les sources de manière très précise au moment où effectivement cette disposition a été mise en place et contestée. Il y a des constructeurs qui vous disent c'est compliqué, et puis il y en a qui vous disent mais il n'y a pas de difficulté. Il n'y en a aucune. Et on peut parfaitement accéder à un certain nombre de données concernent notamment l'accélération du véhicule, la vitesse du véhicule, le temps donné de vitesse du véhicule, etc. Donc oui, il y a des constructeurs qui le confirment. On revient dans un instant. Vous allez voir, Jean-Luc, il y a encore des nouveaux, comme on dit. Et puis il y a deux mesures qui, moi, me paraissent complètement hallucinante. On en parle au moment instant. Où on veut faire progresser, on voit que la mortalité sur les routes est en augmentation en France, et bien là, il y a deux mesures qui vont dans le sens contraire de l'amélioration de la sécurité routière. C'est complètement dingue. D'accord. Bon, écoutez, on en parle dans un instant. Le 32-16, hein, si vous voulez réagir ce matin, ou bien auto@rmc.fr, on est là dans une minute. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Avec Volkswagen, on est tous fiers d'être bleus. Mettez-vous aux couleurs des bleus, tweetez vos selfies d'encouragement avec la mention @RMCEuro et le hashtag VibreetBleu et recevez votre vignette personnalisée de supporters. Des cadeaux exceptionnels sont à gagner. VibreetBleu avec Volkswagen, partenaire des bleus. Le prix direct, c'est aujourd'hui seulement et c'est chez Intermarché. Pour un kilo de merguez ou chipolata origine France, Jean Rosé acheté, le deuxième kilo est offert. Mais c'est aujourd'hui seulement. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Naturo aux herbes, pour votre santé, bougez plus. Salut vieille branche, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Ah, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Pardon, poussez-vous. Oh là là, mais il y a du monde ici, c'est quoi cette soirée? C'est la soirée Freebox Révolution, toutes les chaînes sont présentes. Oh la vache, et on est combien? Plus de 500. 500 chaînes? Ouais, et en plus, il y a des services replay là-bas, et toutes les chaînes HD au fond. Hé, sexy les chaînes HD. Ah, je te le dis, les grandes soirées télé, c'est avec la Freebox Révolution. Merci. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. Et si on parlait Renault Service? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end, mes pneus sont usés. Ce ne serait pas prudent. Pipo. Pardon? Bien essayé. Mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voire conditions sur Renault.fr. RMC jusqu'à 10h, votre auto, Jean-Luc Moreau, François Sorel. 9h22, merci d'être là, c'est le week-end des experts et c'est l'auto jusqu'à 10h. Avec Jean-Luc Moreau à mes côtés, notre expert auto. Jean-Luc, on évoque cette possible loi qui... on va dire, ne va pas faciliter la vie des automobilistes. Hein. Non, on risque d'être surveillé de tous les côtés. Et on évoquait avec Rémi Jossaume, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des Avocats et Golden Card de nos invités dans l'émission. On évoquait cette possibilité qu'auront les forces de l'ordre de se brancher sur l'ordinateur de bord du véhicule afin de contrôler d'éventuelles infractions. Alors, Rémi, il y aura quand même une inégalité à ce niveau-là. Par exemple, François Lafuego, il n'y a pas de prise, donc lui, il est tranquille. Ah oui, apparemment, lui, il va être un peu plus déconneré que les autres. Bah, écoutez, bon. Pour une fois que vous dites quelque chose de positif concernant Lafuego, Jean-Luc. Oui, il ne peut pas y avoir que des désavantages. Oui, c'est vrai. Le principal étant déjà de rouler en Fuego. Alors, Rémi, cette possibilité... que pourraient avoir les forces de l'ordre de se brancher sur l'OBD? Est-ce que on peut verbaliser quelqu'un pour une infraction qui a été commise sans qu'il y ait de forces de l'ordre témoins ou d'appareils de mesure témoins de l'infraction? C'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi va le prévoir, telle qu'elle est rédigée, elle permet la constatation sans que l'agent soit là et présent au moment de l'infraction. Alors, je crois que dans un premier temps, il ne faut pas non plus affoler tout le monde, je crois que dans un premier temps, on va avoir des applications pratiques, notamment, par exemple, dans le cas d'un accident de la route, où effectivement, on va pouvoir, comme avec une dashcam, finalement, on va pouvoir tirer des informations dans le véhicule qui vont permettre de déterminer effectivement une responsabilité et, le cas échéant, effectivement, de voir quelles étaient les conditions de circulation juste avant l'accident. Donc c'est peut-être une application concrète qu'on va voir dans un premier temps, mais encore une fois, et pardon de le répéter, le texte est tellement global et général, et malgré le démenti de la sécurité routière... Oui, c'est ce que j'allais dire, la sécurité routière a démenti qu'il y aurait eu une quelconque intrusion dans la vie privée des gens, parce que là, on rentre dans votre vie privée, savoir comment vous avez roulé. Jean-Luc, ça me fait penser un peu à la vidéosurveillance. Il y a 20 ans, on vous a expliqué que c'était uniquement pour contrôler les délits de droit commun dans les rues sombres et obscures, et puis aujourd'hui, on vous explique, et d'ailleurs, la loi va le prévoir, qu'on va généraliser la vidéo-verbalisation. Donc, tu vois, on peut s'attendre à tout. Donc oui, effectivement, il y a 20 ans, on vous disait ça. Aujourd'hui, on voit une application différente. Et ce texte, tel qu'il est rédigé là, il va autoriser légalement les forces de police à faire ce type de démarche. Alors, je ne sais pas si elles vont le faire. Deuxièmement, on verra la bataille juridique devant les juges. Ça sera peut-être effectivement pas très efficace pour eux, etc. Peut-être qu'en réalité, et le gouvernement aura peut-être raison, il n'y aura pas de consigne pour faire autrement, mais moi, je m'attache à la lecture d'un texte, et ce texte-là, tel qu'il est rédigé, je suis désolé, il permet, c'est indiqué, la constatation des infractions au code de la route. Il permettra aussi de vérifier que le véhicule n'est pas un véhicule volé, que le kilométrage n'a pas été bidouillé, qu'il n'y a pas une puce qui permet d'augmenter la puissance du moteur. Tout ça, par contre, on peut le vérifier avec l'OBD, et là, on pourrait être verbalisé immédiatement, pour le coup. Ouais. Exactement, d'ailleurs, c'est ce que dit l'administration, c'est qu'elle dit que ce texte est fait pour ça. Pourquoi alors, dans ces cas-là, n'ont-ils pas rédigé le texte en limitant le périmètre d'application? Mais au départ, semble-t-il, c'est effectivement principalement pour cela que ce texte est mis en place, afin de permettre effectivement la vérification de tous les points que vous venez de nommer là. Voilà. Et puis moi, je vais vous donner un petit scoop. Alors, bouchez-vous tous les oreilles. Ça permettra de vérifier. La radio, c'est pas facile. Ouais, ça permettra de vérifier que sur les dispositifs anti-pollution de type SCR. Donc, qu'est-ce que c'est que la SCR? C'est ce qui permet d'éliminer les oxydes d'azote sur les diesels. C'est le dispositif qui a généralisé à l'avenir sur les voitures et qui est déjà généralisé sur les camions. Et aujourd'hui, on peut trouver sur Internet des petits programmes qui permettent de neutraliser ça, ce qui évite de consommer de l'AdBlue. C'est l'additif qu'on est obligé d'ajouter. Et le scandale, dont je vous parlais tout à l'heure, je vais en révéler un petit peu. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un tiers des camions qui ne dépolluent plus. Leur système est neutralisé par ce système-là. Donc, la police pourra vérifier. Et là, je pense que pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'efficace. Voilà. Et tous ces camions qui ne dépolluent pas, imaginez tout ce que ça peut envoyer comme mauvaise chose. On va en parler bientôt, mais là, je vous assure que c'est un gros loup à soulever. Hein. Bon, Jean-Luc, 9h26, un gros loup à soulever. Attention, Laetitia va revenir, parce qu'elle va pas être contente. Oui, et puis ils sont protégés en plus. Ils sont... Yahoo ! Allez, on revient après la météo, les infos sur RMC. À tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. Et si on parlait véhicule d'occasion ? Désolée, j'ai dû chercher une place pour garer ma Clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète. J'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. 3 heures ! À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma Clio d'occasion ? Oui, tu m'as dit, oui. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1 € de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Je sais pas chez vous, mais chez nous, le plus grand fan de sport, c'est mon mari. À chaque match, c'est pareil. Des heures à crier devant la télé. Mais moi aussi, je peux crier. Je veux la télé! Alors chérie, si tu pouvais regarder le foot ailleurs, ça serait génial. SFR se réinvente et inclut les nouvelles chaînes SFR Sport dans le forfait Power 40Go à 15,99€ par mois pendant un an, puis 25,99€ par mois pour les clients box de SFR avec engagement. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine jusqu'au 4 juillet pour toute souscription avec portabilité. Prix sans mobile, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards ? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute, la qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Il y a un spectacle qui amuse beaucoup Vincent au péage des autoroutes. Ce sont les gens qui se tortillent pour chercher leur ticket. Ah, c'est pas facile quand on est assis avec sa ceinture de sécurité. Il y a aussi les gens qui se tortillent pour chercher leur carte bancaire avant de se rendre compte qu'elle est dans leur veste, qu'ils ont mis dans leur coffre pour ne pas qu'elle se froisse. Et là, vous vous dites, il ne doit pas avoir l'air malin, Vincent, quand il cherche son badge télépéage Vinci Autoroute. Eh bien voilà, ça ne risque pas d'arriver parce que le badge Vinci Autoroute, il est collé sur le pare-brise. Et Vincent, il a un pare-brise. Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client ou sur vinciautoroute.com. Un coup d'œil sur la météo de ce dimanche, Christine Peña, du mieux, mais oui. Mollo, quoi. Mollo, oui, voilà, mais faut pas trop de tout d'un coup. Vous allez voir, en fin de semaine prochaine, vous aurez trop chaud, 30 degrés à Paris, 35 dans le sud. Arrêtez, bon, on y est pas. Rêver, là. On n'y est pas, voilà. 18, ça c'est à Brest, à Tarbes également, 18 cet après-midi, sous abri. 20 à Dijon, à Lille également. 21 à Bordeaux, Toulouse, Lyon, Paris. Et puis, là où il fera le plus chaud, c'est à Montpellier, 27 degrés. Attention, Tramontane et Mistral soufflent en Méditerranée. Du coup, on n'a pas de nuages dans le ciel. Dans le sud-ouest, ciel tout bleu cet après-midi. En revanche, c'est un peu plus compliqué. En Bretagne, on a cette perturbation qui arrive, ça y est, sur la pointe bretonne, qui apporte de la pluie. Et puis, beaucoup plus de nuages en Auvergne, Franche-Comté, en vallée du Rhône, là aussi. On a un ciel assez partagé entre éclaircies et nuages, avec quelques averses. Des orages prévus sur les Alpes-Maritimes, ainsi qu'en Corse. Attention, on peut avoir de forts orages avec de la grêle en dessous. Donc, les températures, on l'a dit, elles vont augmenter lundi, mardi, très difficile, et puis ensuite c'est l'été qui s'installe à partir de mercredi. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC, il est 9h30. Un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Ils doivent séduire encore un petit peu plus et surtout, ne pas nous faire languir jusqu'à la 90e minute. L'équipe de France de retour sur la pelouse de l'Euro ce soir, 21h, face à la Suisse. Dernier match de poule, une première place du groupe est en jeu. Hier, la Belgique a relevé un peu la tête. Victoire 3-0 sur l'Irlande. À l'inverse, le Portugal est à la peine. 0-0 face à l'Autriche. Enfin, Islande et Hongrie ont fait match nul, un partout. Le sport, c'est aussi le rugby. Deuxième demi-finale hier soir de Top 14. Et Toulon qui a validé sa place en finale en battant Montpellier 27-18. Toulon qui affrontera le Racing vendredi prochain en finale. C'est une première en France. Le président de la République devra passer par une primaire s'il envisage un second mandat. Processus voté à l'unanimité hier par le Parti Socialiste. Un scrutin de la gauche gouvernementale sera organisé en janvier 2017. Un scrutin soutenu ce matin par Manuel Valls. Longue interview du Premier ministre dans le JDD où il évoque aussi la loi travail. Elle ne sera pas retirée, elle ne sera pas réécrite, rappelle Manuel Valls qui appelle les syndicats à annuler les rassemblements face au risque de violence. Mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Les deux proches de Larossi Abala écroué tard hier soir. Dernier élément de l'enquête sur le meurtre du couple de policiers dans les Yvelines lundi dernier. L'émotion, elle ne retombe pas sur place. Marche organisée hier à Mantes, la ville où travaillaient les deux victimes. Un autre rassemblement est organisé aujourd'hui à l'initiative de la communauté musulmane. Et puis à l'étranger, c'est le premier sondage après le meurtre de la députée Jo Cox au Royaume-Uni. À 5 jours du référendum sur le Brexit, les partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne prennent la tête avec 45% des suffrages contre 42% de votes favorables au Brexit. Il est 9h32 sur RMC. Votre auto, vous êtes avec Jean-Luc Moreau et François Sorel. Merci beaucoup Thomas. Et à très bientôt. À très bientôt. Et oui, parce que Thomas va faire plein de bonnes choses et, voilà. Et va s'absenter pendant quelques week-ends, mais il reviendra à la rentrée avec son petit cartable. Voilà, c'est ça. Et voilà. Mon petit cartable TAN. Et les granulats. Tout à l'heure. Prochain point sur l'actu à 10h sur AMC. Jean-Luc Moreau, toujours à mes côtés. Pour l'auto jusqu'à 10h avec vos questions auto au 32-16. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC. Allons-y dans l'ordre, excès de vitesse, non-respect des distances, un feu rouge brûlé, une Chevrolet pratiquement emboutie, non-respect d'un passage pour piéton, changement de fil en plein carrefour, changement de fil sans clignotant, en brûlant encore un feu rouge plus excès de vitesse. Votre auto, ce sera tout. Non ! Je ne paie jamais mes contredanses. 9h33, Jean-Luc. C'est marrant cette promo que vous avez fait en fait pour l'émission. C'est ça. On reconnaît pas votre voix. Pourtant, ça correspond tout à fait. Oui, c'est ma voix, mais c'est votre texte. Ouais. Bon, alors Jean-Luc, au menu de cette deuxième partie, dernière partie dédiée. On va continuer sur notre loi sur la justice du 21e siècle. Juste un mot tout à l'heure, hein. L'actu de la semaine avec Automoto. On va s'intéresser à des intérieurs cuir pas chers. Exactement. À une société française qui, malgré... En fait, vous savez, toute la difficulté qu'il peut y avoir en France à maintenir une activité. Et en plus, là, une activité très spécialisée qui fait appel à des compétences qui sont en train de disparaître. Ce sont des artisans. Exactement. Mais il faut... Ils vont pouvoir transformer la défaite de votre véhicule. Il faut préserver, voilà, ce savoir-faire tout en étant compétitif au niveau tarif. Vous avez vu, c'est la quadrature du cercle. Et c'est une super idée de cadeau. D'ailleurs, si vous avez envie de me la faire, ça sera avec plaisir, François. Je vous entends plus, je passe sous un tunnel encore une fois. Mais on revient donc à cette fameuse loi qui fait un peu froid dans le dos. Ouais, qui devrait. Enfin, c'est un projet de loi pour l'instant. Qui a toutes les chances de passer. Alors, il y a un petit point quand même qui va intéresser certaines personnes qui jusqu'à présent étaient plutôt privilégiées. C'est la délation dans les sociétés. Jusqu'à présent, vous savez que quand vous rouliez avec un véhicule de société et que vous étiez pris par un radar automatique, en général, vous étiez obligé de payer l'amende, mais vous ne perdiez pas les points. Bon, ça va changer, Rémi. Demain, il y aura une obligation de délation. Ouais, c'est assez incroyable, mais effectivement, le projet de loi, c'était aussi initié à la demande du gouvernement, hein, va obliger l'employeur à dénoncer son salarié, sauf si il accepte, en qualité de personne physique, c'est-à-dire que le mandataire social, le représentant légal, accepte de payer une amende qui est fixée à 650 euros dans les textes actuels. Donc, en d'autres termes, vous avez bien compris, c'est effectivement la fin d'une certaine... C'est-à-dire qu'il y aura forcément quelqu'un qui va trinquer dans l'histoire. Quelqu'un sera obligé de perdre des points s'il y a une infraction, ou alors il faudra donner 650 euros. Exactement, c'est ça, oui. Alors, si vous voulez, il y avait des arrangements aujourd'hui dans les entreprises. On le sait très bien, oui. Effectivement, que l'employé allait payer l'amende, le chef d'entreprise mettait un mouchoir sur la contravention, et tout le monde s'arrangeait de cette situation. Et personne ne perdait de points, surtout, parce que c'était ça. Et personne, voilà, effectivement, et personne ne perdait des points. Manifestement, le gouvernement pense, à tort ou à raison, hein, que c'est comme cela qu'on va réduire le nombre de morts ou de blessés sur la route, et donc va finalement de traquer le salarié et va imposer dans la plupart des situations de verbalisation à l'employeur de tenir un carnet de bord ou cela dit, maître, on peut imaginer que pour certains c'était un peu un sport national, non? Ils se réfugiaient derrière ce flou juridique pour ne pas perdre de points. Alors, on le sait. Enfin, j'ai des copains qui en profitent, quoi. Voilà. Peut-être, François, pour certaines infractions, on peut comprendre effectivement qu'ils aient un peu moins l'œil sur le compteur, mais je ne crois pas qu'un salarié, parce qu'il sait que derrière il ne va pas perdre de points, il va délibérément. Ouais, je pense pas non plus. Non, alors d'ailleurs, il y a une enquête qui a été faite par MMA, et on a avec nous Stéphane Deschner, qui est en charge de la prévention des risques routiers chez MMA, qui a demandé aux patrons des TPE et PME. Alors l'enquête portait plus généralement sur la sécurité et sur la mortalité, parce que vous savez que la route, c'est la première cause de mortalité en entreprise. Mais bon, dans les questions qui étaient posées, les dirigeants des TPE, TPME, alors c'est très étonnant, déclarent payer eux-mêmes, d'ailleurs, les PV des amendes. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors 56% des dirigeants, c'est ça, qui disent quand un salarié avec une voiture de fonction ou de société reçoit un PV, ils sont 56% à déclarer payer. Oui, tout à fait, mais je crois que le point de départ, hein, c'est une méconnaissance du risque routier. Le danger est sous-estimé par les dirigeants de TPE-PME. Il n'y a qu'un dirigeant de TPE-PME sur quatre qui classe le risque routier professionnel au premier rang. Et donc, il faut rappeler quand même les enjeux, hein, de toutes ces discussions, de toutes ces réflexions. C'est 400 morts par an pendant le travail. Et donc, c'est la première cause d'accident mortel au travail. Donc, il est là, l'enjeu. C'est de sauver des vies et de faire savoir aux dirigeants qu'ils peuvent, ils doivent accompagner leurs salariés par rapport à ce risque. Oui, alors ils sont quand même 65% à dire qu'ils sont défavorables à la dénonciation. Oui, alors peut-être que ça part d'une bonne intention, mais ça peut s'avérer contre-productif parce que ça peut déresponsabiliser le salarié. Et il n'y a pas de fatalité. On avait, nous, interviewé aussi les salariés. Ils étaient 85% l'année dernière à déclarer avoir des comportements dangereux sur la route, que ce soit les excès de vitesse, l'utilisation du téléphone portable. Bref, toutes les causes aujourd'hui qui peuvent expliquer la remontée depuis 2 ans du nombre de tués sur les routes. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Il y a eu l'année dernière 3464 tués sur la route, notamment les automobilistes, hein, plus 8% de tués. Il est là vraiment l'enjeu. Donc il faut dire aux dirigeants, si vous ne le savez pas, la route est la première cause d'accident mortel au travail, et vous pouvez, et c'est efficace, d'accompagner vos salariés dans la prise en compte de ce risque et de les amener à avoir des comportements plus apaisés, plus sécurisés sur la route. Oui, alors, vous dites les accompagner, c'est quoi? C'est des formations? Alors, il y a beaucoup de choses, effectivement. Des formations, des chartes de bonne conduite. Je pense que il faut en discuter dans le cadre de l'entreprise, et l'entreprise, parce qu'elle peut avoir aussi dans cet accompagnement un positionnement beaucoup plus rationnel que l'ensemble des débats qu'on peut entendre, avec un accompagnement dans le temps de leurs salariés, eh bien c'est d'abord une information, ensuite peut-être nommer un référent, ensuite mettre des actions en place pour rappeler les règles concernant la vitesse, rappeler les règles concernant le téléphone, et aussi dans les chartes de bonne conduite, permettre notamment à un salarié, s'il est sur un trajet professionnel, de se déconnecter de son travail le temps de son trajet. Ouais, donc de couper son téléphone, mais bon, son téléphone. Ouais, mais c'est antinomique. On vous demande d'être constamment disponible, et puis on va vous demander de couper votre téléphone pendant vos trajets de travail. Oui, mais enfin, c'est bon, ça paraît pas possible. Je, Bah, et si, il faut, je pense que chacun oui, entre le au volant. Entre le il faut et la possibilité, il y a souvent un gros écart. Alors, bon, on peut comprendre que dénoncer les employés qui roulent en voiture de société lorsqu'ils font une infraction pour qu'ils perdent des points, ça peut effectivement améliorer la sécurité routière. Mais en revanche, Rémi, il y a deux mesures qui paraissent complètement dingues dans ce contexte. C'est que la conduite sans permis aujourd'hui va être moins réprimée qu'avant et la conduite sans assurance également. C'est complètement dingue, ça. Ah ouais, effectivement, moi j'allais dire les bras m'en tombent, hein, parce que c'était effectivement des projets qui étaient déjà débattus il y a quelques mois par l'ancien garde des Sceaux, ça a fait un tollé généralisé, et puis là on revient finalement avec exactement la même mesure, un petit peu bricolée pour faire semblant d'avoir écouté les associations et les défenseurs d'automobilistes, et là... Eh bien, on va pouvoir finalement bien conduire sans permis, avec le seul risque d'une amende. Alors, Rémi, justement, qu'est-ce qui change en fait en termes de punition ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ah bah, c'est-à-dire que la conduite sans permis, jusqu'à maintenant, c'est quand même sanctionné d'un an de prison, d'une très forte amende et d'une interdiction possible de passer le permis de conduire. Bon, demain, en d'autres termes, ceux qui n'ont pas du tout le permis de conduire, eh bien, vont pouvoir se mettre sur la route avec. Donc le risque d'une amende qui finalement, c'est-à-dire comme on dit, plus d'argent n'est pas mortel. Donc ouais, 640 euros, c'est ça, en voilà, plus, c'est pas monstrueux. Euros, ça coûte toujours moins cher que de passer le permis de conduire. Et donc vous allez avoir un certain nombre de personnes qui jusqu'à maintenant hésitaient et qui demain vont plus le faire, donc, puisque tout simplement elles vont s'acquitter d'une amende. Plus de prison, voilà. Plus de prison. Non. D'accord. Non, plus de prison, une amende. Et pareil pour l'assurance. Vous paierez 400 euros de PV. Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui va rouler sans assurance. Et vous savez que c'est nous qui payons, hein, quand quelqu'un qui n'est pas assuré a un accident, c'est le fonds de garantie qui paye et c'est nous qui payons. Et au total, c'est ceux qui ont des assurances qui vont payer de plus en plus cher. Donc on marche sur la tête. Merci maître. Merci messieurs, bon week-end. Voilà, avocat au barreau de Paris, président de l'Automobile Club des Avocats. Jean-Luc, on revient dans un instant. On va découvrir le concept paraf. Exactement, on va parler cuir. Vous êtes très cuir, vous, hein? Pas trop. Pas trop. Ah, bah, je vous ai vu dans voiture, des boîtes, des fois, avec des casquettes, moustaches, enfin, non? Ouais. C'est pas vous. Non, c'était votre. La c'était Fuego votre était garée devant la c'était porte. C'était reflet dans votre miroir. Et puis, on s'intéressera aussi à l'actu de la semaine, vue par Automoto. Exactement. Voilà, tout ça pour terminer ce rendez-vous. À tout de suite, on est là dans un instant. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Avec Volkswagen, on est tous fiers d'être bleus. Mettez-vous aux couleurs des bleus, tweetez vos selfies d'encouragement avec la mention @RMCEuro et le hashtag VibreBleu et recevez votre vignette personnalisée de supporters. Des cadeaux exceptionnels sont à gagner. VibreBleu avec Volkswagen, partenaire des bleus. Intermarché réinvente la fidélité. Vous en donnez plus ? On ne pouvait pas faire moins. Oui, venez 4 fois par mois chez Intermarché et profitez d'un bonus de 25% sur tous vos avantages cartes cumulés dans le mois. Plus vous venez, plus vous êtes récompensé. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Je sais pas chez vous, mais chez nous, personne ne regarde le même sport à la télé. Le grand, c'est le basket, la petite, le tennis, et mon mari, le foot. Le problème, c'est qu'à chaque sport, son abonnement. Pour vous, SFR se réinvente et réunit tous vos sports préférés dans un seul et même abonnement. Jusqu'au 10 juillet, la fibre power avec SFR sport inclus est à seulement 29,99€ par mois pendant un an, puis 39,99€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, engagement de 12 mois, location de la box plus 3€ par mois, détails sur sfr.fr. Pendant l'Euro, il y aura 72 goals, 192 défenseurs, 144 milieux de terrain et 144 attaquants. Tous ces joueurs joueront dans la même équipe. Cette équipe vous suivra partout. Elle sera dans votre kiosque, sur votre bureau, dans votre salon et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Et si on parlait véhicules d'occasion ? Oh, désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. C'est pas grave. J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines ? Ça me fait penser. Je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion ? Oui, tu m'as dit. Ah ouais ? Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fiers de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015. Offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à 10h. Votre auto. Votre auto. Jean-Luc Moreau, François Sorel. 10h55, 6h15, le week-end des experts, l'automobile. Encore quelques minutes à passer ensemble. Et puis juste après, ce seront les GG du sport avec Serge Simon et Christophe Cessieux. Jean-Luc, dans un instant, l'actu de la semaine vue par Auto Hebdo. Non, Automoto. Automoto, pardon. Automoto. Non, mais ça arrive, c'est facile à dire, oui. Automoto. On aura Nicolas Briouze avec nous, qui est journaliste pour le magazine Automoto, avec qui on évoquera l'actu de la semaine. Mais dans l'immédiat, on va découvrir un concept de tuning d'automobile. Ah non, à l'intérieur. Le mot tuning est péjoratif. Et d'accord. Là, et vous allez plutôt monter en gamme. Personnaliser l'intérieur de son véhicule. Vous allez donner de la noblesse à votre voiture. Ça, c'est beau quand c'est dit comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Aujourd'hui, c'est la fête des papas. Je redis bonne fête à mon papa. Et ça peut être une idée de cadeau. Et vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est élitiste, c'est exclusif, c'est très cher. Le cuir dans les voitures, ça coûte cher. Hein. Ça coûte un bras. Non, ça coûte pas. Ça coûte pas un bras. Non, ça coûte pas un bras. La vache. Et on a avec nous Diane Deblic, qui est la dirigeante de Paraf et qui va nous expliquer tout ça. Bonjour Diane. Bonjour Jean-Luc. Alors bonjour. Déjà bonjour, Diane, une chose à préciser quand même, Paraf, oui. C'est 100% français. C'est pas, oui. Vous n'avez pas des petits Taïwanais qui travaillent dans des caves pour arriver à proposer des intérieurs cuir à des tarifs intéressants. Non, justement, c'est une donnée très importante. C'est une fabrication 100% française avec des gens qui maîtrisent une technique particulière, un métier qui est classé sur la liste des métiers rares par l'UNESCO. Ah oui, vous êtes protégée alors en fait, vous êtes une espèce protégée. Non, non, justement, on l'est pas. On est indiqué comme protégée, mais on se protège nous-mêmes. On n'a pas le droit de vous chasser. J'aimerais bien, en faisant beaucoup d'efforts pour ça et pour préserver ce savoir-faire et pour le transmettre. Voilà, donc c'est vrai que c'est 100% français. Alors qu'est-ce que vous faites ? Expliquez-nous, Diane. Alors en fait, on propose aux particuliers, depuis 2 ans maintenant, de pouvoir réhabiller leur intérieur de voiture avec différents types de matériaux, dont bien sûr du cuir, pour pouvoir capitaliser aussi sur leur véhicule. Aujourd'hui, on a des taux de détention qui s'allongent du fait de la crise, du fait de moins de moyens. Et puis, on peut avoir envie de refaire un intérieur de voiture pour se faire plaisir et en même temps pour avoir plus de confort. Et puis, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de racheter une voiture. Donc, quand vous refaites l'intérieur de votre véhicule, sur mesure, selon vos goûts, c'est-à-dire vous choisissez les couleurs, vous choisissez les finitions, vous choisissez même le design, ben c'est sûr que vous avez l'impression quand même d'avoir un véhicule... Ouais, d'avoir une nouvelle voiture. Voilà. Mais on peut changer l'intérieur de son véhicule. Ah oui, oui, oui. Autant la couleur, c'est compliqué. Mais vous pouvez même, en admettant, vous achetez une voiture neuve. On va prendre l'exemple du Renault Captur, parce que je trouve très bon. Le Renault Captur, c'est le SUV le plus vendu actuellement dans sa catégorie. Vous achetez un Renault Captur. Alors, il y a une particularité sur le Captur, c'est que les sièges sont déhoussables. C'est-à-dire, vous avez une fermeture éclair et c'est pratique, vous pouvez les mettre à la machine à laver. Mais Renault ne propose pas la voiture, c'est une voiture sympathique. Mais si vous voulez un intérieur vraiment personnalisé, un peu chic, il n'y a pas cette offre-là directement chez Renault. Et là, ce que propose Paraf, c'est un kit. Alors, un kit qui comprend quoi, Diane ? Alors ça, c'est sur le Captur Intense. C'est-à-dire que c'est sur ce modèle-là, mais qui est quand même un des plus vendus, où effectivement, Renault a pensé un concept extrêmement pertinent, qui est la notion du déhoussable. Alors nous, on a développé des designs spécifiques de différentes coloris et de différentes matières. Ouais, alors avec du cuir, pleine fleur, voilà. C'est ça. Alors on a un cuir pleine fleur, on a aussi ce qu'on appelait avant un éco-cuir et qu'on appelle maintenant un éco-fibre, dans le respect de la législation européenne sur la dénomination du cuir. Ça, c'est pour protéger et être transparent, c'est-à-dire qu'en fait, l'éco-fibre, c'est du cuir recyclé, en fait, de la fibre de cuir, du coton, du polyester. C'est un matériau très intéressant, évidemment, plus accessible que le cuir, et qui a rendu identique en termes de... quasi identique en termes d'accord. De toucher. Donc on peut se faire un intérieur super chic, qu'on peut monter soi-même, et à un prix... défiant toute concurrence. Pour 750€ de TTC, donc incluant la TVA, et l'avantage énorme là de ce produit-là, c'est que on l'a travaillé comme une sellerie, mais c'est un accessoire. Ça veut dire que quelqu'un nous le commande, on l'expédie et la personne peut le monter tout seul. On a réalisé une vidéo pour ça et une petite fiche de montage. C'est extrêmement facile comme produit. Ça coûte combien, 750. Ça coûte 750€ TTC pour donc les deux sièges avant et la banquette arrière, à pu-tête inclus, bien sûr. donc pour tout le véhicule, quand on est en écofibre, et ça coûte 950 euros quand 950. on est en cuir. Voilà. Parfait. Eh bien, on souhaite bon vent à Paraf. Merci beaucoup, Diane. Vous pouvez même refaire la Fuego. Ah, bah, écoutez, ah bah, ça fait plaisir. Voilà. Vous voyez, comme quoi, hein. Ouais, ouais, ils ont un comparateur, ils ont un, vous savez, un petit configurateur d'ailleurs sur leur site, si vous voulez aller parafdesign.com. Nicole. Et vous verrez combien ça peut vous coûter pour votre voiture. Vous pouvez faire même des petits, vous pouvez broder j'aime Jean-Luc Moreau sur vos sièges, par exemple. Oui, là, il faudrait vraiment que je sois fatigué. Nous avons Nicolas Brioux qui est avec nous. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, monsieur Nicolas. Vous n'êtes pas au Mans, Nicolas? Je ne suis pas au Mans, non. Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais non, on ne peut pas tout faire. Hein. Il y a bien des week-ends. Pour voir gagner les Toyota. Ah, mon Dieu. Ah, oui, alors, journaliste à Automoto, et on s'intéresse justement cette semaine à l'actu qu'on a pu lire dans Automoto. L'actu qu'on a pu lire dans Automoto avec, alors c'est pas un gros événement, mais ça concerne quand même pas mal le monde parce que ça reste la voiture la plus vendue en France. La Clio restylée, la Clio va changer un petit peu, c'est ça? La Clio restylée, oui, c'est normal, hein, c'est la punition au bout de 4 ans, quelquefois 3 ans. La punition, je fais de l'humour, bien évidemment, vous l'avez compris, voiture la plus vendue en France. Petit restylage, un très léger, signature lumineuse redessinée. Intérieur, nous ne l'avons pas encore vu, mais dont on dit que la qualité perçue sera un petit peu améliorée, etc. etc. C'est indispensable, vous le savez comme moi. À partir du moment, moi, ça ne me déplaît pas du tout, à partir du moment où on ne dit pas « nouvelle Clio », je ne sais pas encore. Oui, c'est pas... Parce qu'il y a très souvent, alors là, sur une Clio, on verra très bien que ce n'est pas une nouvelle Clio, mais souvent, les constructeurs ont tendance à abuser de l'appellation « nouvelle auto » quand il s'agit souvent que d'un simple restylage. Ouais. Et nous nous laissons nous-mêmes quelquefois abuser quand il s'agit d'un profond restylage. On ne sait plus vraiment si la voiture est nouvelle. Alors, on va dire un maquillage. Nouveau maquillage. Un moteur diesel qui passera à 110 chevaux avec la possibilité d'avoir un 110 chevaux, donc une nouvelle définition moteur sous le capot, qui n'est pas un nouveau moteur non plus d'ailleurs. Ce n'est pas un nouveau moteur avec une transmission 6 rapports, si j'ai bien compris. Enfin, c'est pas non plus une évolution. Enfin, rien vraiment neuf. Enfin, l'important pour Renault, c'est de conserver la première place des ventes, comme vous le savez. La bataille est rude, ça fait 30 ans que ça dure. Hein. Rappelez-vous de l'époque, on va pas faire vieux combattant. Moi, il y a 30 ans, j'étais pas né, alors je peux pas m'en rappeler. 205, ouais. Super 5, Clio 1, 206, etc. Ça a toujours été... ils se sont toujours tenus au coude à coude entre les petites Peugeot et les petites Renault. Alors, il y a une autre voiture qui fête cette année ses 50 ans. C'est la Fiat 124 Speeder. Alors, moi, j'aimais vraiment beaucoup l'ancienne 124 Speeder. Et Fiat a décidé à profiter de l'anniversaire pour la ressusciter avec une particularité, parce qu'elle a un peu les yeux bridés, cette Fiat. Tout à fait les yeux bridés, Jean-Luc, vous avez tout à fait raison. Fiat avait besoin d'un partenaire pour revenir sur ce segment du Speeder, hein, abandonné depuis l'adorable petite Barchetta, vous vous souvenez, qui avait cessé en 2005, ouais. Qui avait plutôt bien marché en Europe. Donc 124 Speeder en association avec Mazda et sa célèbre MX-5, hein, donc pareil, de Mazda pour sa quatrième génération de MX-5, avait besoin d'un partenaire, et donc Toyota et Fiat se sont trouvés. Enfin non, Mazda et Fiat. Mazda et Fiat. Non, parce que là, vous êtes en train de nous parler des 24 heures du Mans, c'est super, pour ça. Super, je suis en train, vous voyez que c'est plus fort que lui. J'ai un tout petit peu révisé. Donc voilà, j'ai dit Toyota au lieu de dire Mazda. Donc pour sa quatrième génération de MX-5, Mazda cherchait un partenaire, donc il a trouvé Fiat. Et donc nous avons eu le plaisir déjà d'essayer ce 124 Speeder, qui reprend l'appellation de la célèbre 124 Speeder à laquelle vous faisiez allusion, qui a quand même eu une carrière carrément longue de 66 à 1985. Ah oui. Oui, ah ouais, presque aussi longtemps que François à la radio, quoi. Voilà, ou que dans un autre, une concurrente de l'époque qui était l'Alfa Romeo Speeder, qui avait première génération, qui avait duré aussi extrêmement longtemps. Et petite anecdote pour cette vieille 124 Speeder, on va arrêter de parler de l'ancienne 124 Speeder, 90% des véhicules ont été vendus sur le marché nord-américain. Et ça, je dois vous l'avouer, je ne le savais pas, je l'ai appris récemment. Ça a fait un véritable carton aux États-Unis. Oui. Alors comment allait cette 124 Speeder à conduire? Parce que vous avez roulé avec, c'est ça qui nous intéresse. Alors, si vous voulez, le Mazda MX-5 est une excellente voiture. La Fiat est tout aussi bonne, avec des petites particularités, une mécanique spécifique. Au lieu d'avoir un moteur atmosphérique de 1,5 litre ou 2 litres sur la japonaise, vous avez un petit 1400 turbo Fiat. Vous avez une carrosserie évidemment très différente esthétiquement, hein, qui rappelle vraiment, qui rend un hommage. Pour moi, c'est vraiment un rétro design réussi, si vous voulez. Ça me rappelle la Fiat 500, qui pour moi est une réussite absolument totale, hein, que ça soit en design, en marketing, en vente. Ils ont réussi à faire le même coup avec la 124 Speeder. Et enfin, au niveau conduite, donc vous avez, c'est un peu plus pétillant. Si vous voulez, il manque un petit peu à la Mazda MX-5, il lui manque un peu de charme, un peu de fantaisie. Et bien, vous avez ce petit. Ouais, mais elle est un peu plus chère, la Fiat. Pas, non, je suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend quelle puissance vous comparez, hein, vu que c'est pas tout à fait, c'est une puissance intermédiaire entre les deux moteurs. On est à combien à peu près à la louche? Écoutez, pardon? On est à combien? On est à un tout petit peu en dessous de 26 000 en prix de base. Alors après, d'accord, il faudrait faire une étude comparative que je n'ai pas eu le temps de faire sur l'équipement. Non, sensiblement le même tarif. Merci beaucoup, Nicolas Briouze, journaliste Nicolas. Automoto. Voilà, et puis vous pourrez voir sur le site Automoto aussi les voitures des joueurs de foot, puisque ça, c'est. On est un petit peu dans l'actualité. Alors, il ne roule pas en Fiat 124 Speeder. Non, hein. Non, pas encore. Bah, écoutez, ni en Clio restylé. Il roule en quoi, tiens? Ouais, vous savez, alors les. En Fuego? Non. Oui. Fuego, ce sera intéressant de voir un joueur de foot rouler en Fuego d'ailleurs. Jean-Luc, on se retrouve dimanche prochain. Ça sera avec plaisir. 8h-10h et dans un instant, lui, il roule, mais vraiment dans il roule du sur luxe. L'or. Il roule sur l'or peut-être. Ça, je ne sais pas. Quand on voit son costume, il roule sur l'or. On dit que peut-être. Ouais. Figurez-vous que j'avais une topoline. Une topoline. Eh ouais, vous savez ce que c'est la topoline? La topoline. Oui. Je sais ce que c'est qu'une topoline. Il va nous le dire. J'ai une vraie question. Tu rentres dedans dans une topoline avec toi, avec un chausse-pied, avec toi ou tu avais un truc en tissu? Il rentre par le toit. Oui, bah oui. La topoline. Le pot de yaourt. Ah non, il y avait avant la Fiat 500, il y avait déjà une petite Fiat qui s'appelait la Topolino. Avant? Eh oui, avant. Ah oui, mais tu parles. C'était ça. Alors, au menu des GG dans un instant. Oh, énormément de choses, du football, du rugby, et à partir de midi, un débat athlétisme avec Bernard Absalem, le président de la Fédération française d'athlétisme, qui veut qu'on condamne tout, qu'on interdise tous les athlètes russes d'aller à Rio, tu comprends? Et puis les basketteuses françaises qui vont venir dans le studio, qui sont qualifiées justement pour Rio. Oui, tu seras là, c'est juste après-midi. N'oublie pas les photos. Hein. Les GG du sport dans un instant. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. C'est au week-end prochain. RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. RMC, après la deuxième victoire consécutive de Lewis Hamilton, ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 est à Bakou pour le Grand Prix d'Europe. Aujourd'hui, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Avec le PMU, faites votre quintet plus des bleus. Pronostiquez avant chaque match de l'équipe de France de football vos 5 meilleurs bleus et tentez de gagner un entraînement avec les joueurs et de nombreux autres cadeaux. Pour faire le plein de cadeaux, rendez-vous dans les points de vente PMU participants ou sur quintetplusdesbleus.fr. PMU, partenaire majeur de l'équipe de France de football. Conditions sur quintetplusdesbleus.fr. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Capture, le crossover ultra personnalisable et sa compile d'équipements. Airlink avec écran tactile, caméra de recul. Renault Capture est à partir de 169 € par mois, sous condition de reprise. French Touch, touche française. Offre pour Capture Life Energy TCE 90 LLD 49 mois, 40 000 km maximum sous réserve d'acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Voir Renault.fr. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. Salut vieille branche, bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus pile poil. Ah, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 9h59, vous écoutez RMC, bientôt les grandes gueules du sport arrivent, mais tout de suite un point sur une météo. Pouf. Poussive, pas ça. Comme celle qui la présente, Christine Peña. Alors, oui, non, mais est-ce que le soleil va arriver, Christine? Bah oui, on aura quelques trouées, il va arriver à percer aujourd'hui, oui. Généreusement dans le sud-ouest, les côtes aquitaines vont être baignées de soleil. En Méditerranée également, on a du vent qui pousse ces nuages. En Auvergne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, c'est beaucoup plus poussif. Là, on a encore de la pluie prévue, des orages sur les Alpes du Sud et la Corse. Et puis en Bretagne, on a beaucoup de nuages, de la pluie aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs les prémices de cette perturbation qui va traverser le pays lundi et mardi. En revanche, à partir de mercredi, grosse chaleur. On attend du 35 degrés dans le sud, 30 à Paris pour la fin de semaine. Et puis sinon, pour aujourd'hui, Le Mans, bien le ciel sera nuageux, éclairci, partagé, sera mixte. Vous voyez, Le Mans, mais pas de pluie. Ni fait ni à faire. Pas de pluie. Et puis à Lille, 18 degrés cet après-midi, frais. Couvrez-vous, mais pas de pluie non plus. Parfait. Très bien. Merci Christine. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC avec dès 14h Formule 1, départ du Grand Prix d'Europe, 15h l'arrivée des 24h du Mans et à 21h intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi de Suisse-France et de Roumanie-Albanie. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. RMC 10h, le journal présenté par Julien Coudreau. Bonjour Julien. Bonjour Serge et bonjour à tous. Objectif première place, l'équipe de France défie la Suisse ce soir pour son troisième et dernier match de poule dans cet Euro 2016. Les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale veulent terminer en tête pour éviter un adversaire plus coriace au tour suivant. Pour cela, ils ont besoin d'une victoire ou d'un match nul. Didier Deschamps devrait aussi en profiter pour donner du temps de jeu aux remplaçants. Cabaye et Gignac devraient notamment être titulaires. Mais faut-il faire tourner quand on vise la première place? Réponse de Jérôme Rotten de la Dream Team RMC. C'est pas parce qu'il va faire tourner que l'équipe sera beaucoup moins forte. Au contraire, il y aura des joueurs qui auront envie de se montrer. Le fait de faire tourner, c'est aussi de récompenser l'état d'esprit. Il n'y a que comme ça, jusqu'au bout, que l'équipe de France peut rêver à gagner l'Euro. Il faut continuer avec cette ambiance dans le groupe, au sein du groupe, cette union sacrée. Et il n'y a que en donnant la possibilité à ces joueurs-là, qui n'ont pas beaucoup joué, de jouer contre la Suisse, d'être dans cette continuité d'une formidable ambiance. Coup d'envoi de ce Suisse-France, 21h.